Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bon. Fait que, dans le fond, quand ça enregistre, on peut... Ça enregistre en ce moment même. Ça enregistre en ce moment même. En ce moment même. Voulez-vous dire quelques mots, messieurs? Oui, puis je te dirais aussi, ne touche pas trop ne touche pas trop à mon pied de micro. D'accord. Cesse de tenter cette fourche. Ça start toujours bien un podcast quand tu dis à quelqu'un d'arrêter de tenter une fourche. Ouais, arrête de tenter ce mot. Moi, j'ai de capter ce son-là pour partir le podcast. Ouais. Oui. Oui, oui. Cheers, guys. Merci pour l'invitation. Merci, vraiment cool. Un plaisir. Ah, j'avoue. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir. C'est vrai. C'est nous qui vous reçoit. On se reçoit mutuellement, dans le fond. Absolument. Hein. Donc, c'est ça. Vous, quelques mots. Ou sinon, Eric peut rire, puis on débute le podcast. D'habitude, c'est une formule gagnante aussi. Il va être un peu forcé, là. Il faut donc une farce pour qu'Eric rie. Farce ontarienne, c'est pas ça. Une farce franco. Une bonne blague canadienne. Qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai vu un monsieur se crosser sur une ruche d'abeilles? Papa, arrête! ça me fait penser à la joke du docteur qui est en train de te regarder et dit peut-être tu commences à arrêter de te masturber. Tu regardes, mais pourquoi? Ben, parce que j'essaie de t'examiner. Eh, bonne. Bienvenue au Geek Collectif. Comme vécu. Cue à musique. Aïe, aïe. Fait que, bienvenue tout le monde à l'épisode 47 du Geek Collectif, intitulé amicalement 3 bières plus, ou plus que 3 bières. Je peux même me reculer un petit peu. Là, tu vas être génial. Donc, on va le recommencer, je me dis. Non, c'est correct. On continue comme ça. Ben ouais. On va recommencer. Écoute, je suis d'une zone de confort-inconfort où on parlait de ça un peu juste avant de taper, là. Tu sais quoi, vu que c'est ton show, je vais donner les écouteurs. Ah, mon Dieu. Tu vas gérer ça, tel que tu le vois. Avec ici, avec le temps. Je pense que c'est la première fois qu'André enregistre, puis c'est pas son gear. En fait, écoute, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Le pire, c'est que j'en parlais à ma blonde tantôt, puis j'étais vraiment, tu sais, OK, là, je m'en vais enregistrer un podcast, j'ai pas de valise à traîner, je prends le métro, j'ai un sac. C'est ça comme un vagabond de podcasting. Soit ça, ou bien, tu sais, je me dis, c'est cool, je fais juste comme, tu sais, Krusty dans l'épisode des Simpsons, où il rentre dans le boot pour faire ses voix pour les poupées qui parlent. Là. Ouais, puis là... Puis il se pousse, puis là, ils disent, OK, Krusty, on est prêt pour enregistrer, là. Même pas le temps de taper. Mais bon, ça, je pense que votre gear est de qualité supérieure à notre, je pense. Il est plus, il est vraiment high-tech, là. Ben, écoutez, j'ai vu votre console, puis vous êtes pas tout nu, ben, messieurs, là. C'est juste du son basic, mais c'est pas autant... Peut-être que vous autres, c'est une affaire, tu peux plugger des affaires musicales aussi dedans. Je pense que vous autres, c'est vraiment plus un petit studio de radio que vous avez. Ouais, ben écoute, c'est... Un studio de radio portable. Oui. Certes, mais au lieu de flatter l'ego de notre équipement, ben je vous propose, messieurs, premièrement, ben merci de nous permettre de vous accueillir chez vous. D'accord. Oui, ça se dit comme ça. Ouais, ben, c'est ça, on est chez Tribute présentement. Bienvenue dans les studios de Tribute Games, mais merci de nous recevoir dans votre format. Oui, on apprécie beaucoup le Geek Collectif. Ben, également, on est des grands fans de Trois-Bières aussi, puis je trouve ça assez intéressant de pouvoir échanger ensemble. Là, on avait fait déjà l'épisode avec Yannick, avec Tribute, Pierre-Luc. Moi, je voulais venir, je suis vraiment tout dit à savoir cette affaire-là. On est content de t'avoir aussi également. Donc, dans le fond, l'épisode de ce soir, on vous reçoit parce que... En plus, on est gâtés parce que On va vous expliquer très simplement. Trois bières nous ont approché. Ils ont dit « Salut Geek Collectif, on aimerait ça faire un back and forth avec vous autres. Donc, on vient sur votre émission, vous venez sur notre émission. Mais en plus, vous êtes arrivé avec votre propre sujet. Donc, on est vraiment gros dur. » C'est moins de job pour nous autres. Mais c'est ça, j'ai pas eu de recherche trop. Je me suis fait pitcher un sujet. Vous nous avez booké une émission en plus avec des dates. C'est une éloge à votre professionnalisme. Ouais, mais j'en parlais tantôt, mais c'est parce que je suis pas apte à parler de geekness aujourd'hui. J'ai perdu la balle. Je joue plus à rien quasiment. Dis l'homme avec un chandail de Abraham Batman. C'est ça. Non, mais c'est parce que je trouve juste nice, mais je peux pas expliquer. Okay. Tu sais, genre. Non, mais je peux pas genre, parler de la nouvelle console. J'en ai rien à faire. C'est correct, les résolutions sont poches, fait que t'en fous. Ouais, exactement. Ça fait même pas du 4K. Non. Mais de toute façon, moi, j'en ai mon ami raciste pour faire du 3K, il est content avec ça. Mais, non, pour ça, pas de vrai, genre, fait que, on a parlé d'une affaire qu'on parle souvent à Trois-Bières aussi. Fait que c'est le fun d'amener la nostalgie. Au geek collectif parce que Gabriel a pas comme grandi dans l'univers geek comme nous on a grandi, puis c'est peut-être un peu pris d'affaire avec vous autres, puis c'est le fun d'être du bon monde, puis on s'amuse, on rit. Certainement partager une bonne bière avec des braves gens, comme on dit en anglais, a trip down memory lane. Je pense comment ça qu'on s'en fait. Exactement. Certainement comme Archie dans Life with Archie. Archie qui After Life with Archie, c'est ça. Il est-tu mort ou il est vivant, Archie? Il est mort. Là je suis sûr, il est mort. Spoilers, il est mort dans Life with Archie, là. C'est parce que dans okay. Je pense qu'il est archi mort. Entièrement mort. Puis, quand il est archi mort, ça veut dire que t'as une pierre tombale avec comme des hashtags sur le côté, comme ses cheveux, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui arrive, c'est que ce comic-là a commencé quand... C'est un comic qui est séparé en deux. Quand chaque mois, t'achètes un comic comme de 24 pages, t'as 12 pages une histoire, puis 12 pages une autre histoire. Mais c'est pas des histoires, c'est des timelines. J'ai comme peur que t'achètes un demi-livre. C'est deux histoires, deux qui se passent en même temps ailleurs, genre, si on peut dire. Quand Archie, à un moment donné, il s'est promené sur ce qui était une rue qui s'appelait Memory, il se promène d'un côté à l'autre. Il se demande s'il arriverait si je mariais Betty ou si je mariais Véronica. Fait que le comic est splitté en deux, puis tu vois à chaque mois un timeline où ce que marié Betty, puis un timeline où ce que marié Véronica, et dans les deux, sa vie est pas super le fun, mais même pas est pas super triste non plus. C'est comme une vie normale avec deux déceptions différentes dans chaque timeline, mais avec des joies différentes dans chaque timeline, puis tous les personnages d'Archie qui ont grandi, mais dans les deux timelines, il est mort de la même façon. Puis là, il y a une troisième timeline qui s'en vient aussi, où Archie se fuit dans un état dont on ne nommera pas, et marie Jughead. Mais par contre, dans celui-là, il reste vivant, puis il vit très longtemps, il est heureux, il mange vegan, tout va bien pour Archie. On parle d'Archie, là. Parce moi, l'Archie, c'est une petite histoire suivie par une histoire de ses amis. Ce comic-là continue à exister, c'est juste que ces affaires-là, ils restent comme dans la même série qui s'appelle Life with Archie. C'est comme, ils ont tout le temps comme une continuité où ce qu'ils peuvent changer puis switcher les affaires, mais ils restent. C'est ça, comme le Archie Digest va continuer, là, je veux dire. Le Archie Digest continue, mais il rajoute des personnages puis il rend ça plus nouveau. C'est plus actuel, mais ça existe toujours. Tu peux continuer d'aller aux toilettes. Puis d'avoir Archie pour te tenir compagnie. Archie va tout le temps être là pour toi. Okay, c'est ça. Il y a les Afterlife. Il y a Afterlife qui sont les Walking Dead de Archie, si on peut dire. J'étais un peu perdu. Autre affaire, là. C'est vraiment écœurant. C'est très bon. J'ai juste lu le 1 puis 2, là. Mais c'est cool. C'était-tu le premier dérapage, André? C'était le premier dérapage. Félicitations, tout le monde. Bonne d'applaudissements. Merci. On peut y aller en slow clap aussi. On peut aussi là en golf clap. Ça sonnait pas bien, ça. Donc, oui, c'est le golf clap. Ça sonnait pour faire avant un PSC rapide. Faut saluer la fourmi du podcast qui nous a Ice Bucket nominé. Puis on va juste aller écouter ce podcast-là puis donner un don à la. Effectivement. Comme on l'a fait. Parce exactement. Que c'est trop passé. Quoi que je viens de voir, celui-là de Chris Evans, puis c'était pas mal bon ce qu'il a fait. Ben, tu sais, c'est un peu ça, c'est que c'est rendu tellement grandiose et évolué. Moi, j'ai vu celui de Dave Grohl, j'ai fait, ouais. On s'entend que j'ai pas le budget de Dave Grohl, j'ai pas le temps ou les moyens de Dave Grohl, mais. C'est de l'ancien batteur de Nirvana. Ben, c'est ça, tu sais. Par contre, vendez votre gear high-tech, puis là, tu vas avoir de l'argent pour faire ça et avoir une maison aussi. Mais écoute, on a eu une technique au collectif qui est quand même logique, c'est qu'on s'est dit, Bon, OK. C'est une semaine de geler mes deux petits boquettes de glaçons dans le congélateur où on va au dépanneur et on achète à peu près pour 15$ de glace. Donc, on a fait un don de 15$ directement à la fondation. Mm-hmm. Moins de puis on a skippé l'achat d'hier. Fait qu'à ce moment-là, après, 100% de cheap. Quand tu vois qu'est-ce que 50 Cent a fait aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais lui, il a dit « fuck la glace », tu sais, à la 50 Cent attitude, là. Puis il a mis au défi Floyd Mayweather, le boxeur. Ouais. Je pense qu'il saillait, c'est quoi, parce qu'il l'a mis au défi de lire une seule page d'un livre d'Harry Potter sans flincher sur un mot, genre, là. En gros, je pense qu'il est en train de dire que t'es un illettré. Puis il dit, si tu réussis, je vais donner 750 000 piastres à la fondation. Fait que lui, tu sais, tous les Charlie Sheen qui ont donné 10 000, puis les... c'est quoi Dan Brazilian, là, qui a donné... C'est ça son nom? Dan Brazilian, le playboy millionnaire d'Instagram. Des toits de maison. Des porn stars. Des porn stars. Ils ont pas travaillé fort de même à avoir plein de déceptions dans leur vie puis des mauvais choix de carrière des pour qu'on les appelle des filles. Non, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je veux pas manquer de respect à ces femmes de carrière? J'ai vraiment de respect pour les porn stars puis tu niaises même pas, genre. L'autre jour, je suis dans la douche, OK? Ils sont sur le même. On supporte les troupes, on supporte les porn stars. C'est une bonne histoire débute par j'étais dans la douche. Non, non, je suis dans la douche, tu sais, genre, pis là, écoute, j'arrive à mettre du savon dans mes mains, tu sais, pis j'ai comme glissé, whatever, pis j'en ai reçu dans mon front du shampoing, tu sais. Pis là, j'ai juste comme trouvé ça désagréable, pis je vais me laver, tu sais. Pis j'ai pas aimé ça, tu sais. Fait que j'ai reçu quelque chose dans un environnement propre et stérile, proche de l'eau, une affaire proche dans mon front. Fait que maintenant, j'imagine quelqu'un qui reçoit du sperme d'inconnu devant une caméra pis qui doit rester là pendant 20 minutes après prendre des photos, là. Fait que j'ai un respect infini envers. Ça, je leur donne. Mais j'imagine qu'ils doivent se faire un meet and greet eux autres avant. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, quand tu dis du sperme d'inconnu, j'imagine qu'ils doivent aller dessus, comme ils se rencontrent, ils passent 20 minutes à comment ça va, tu sais, toi, la famille. Je passe du temps, c'est le dude qui, les dudes qui rencontrent, c'est comme une coche en haut d'un homme des cavernes, fait que... C'est même pas, c'est pas si bon. C'est toujours le gros gars avec son bandana de pirate qui arrive. Puis... Bon, pas les gars de post-prod, là, mais les gars de pré-prod et de prod. Là. Eux autres, c'est les hommes, les Néandertals. Fait que là, les troupes puis les pompiers, on se calme, supportons nos travailleuses de divertissement. L'industrie, pour oui, l'industrie. L'industrie pour adultes, effectivement. Là, tu fais deux dérapages, ça va super bien. On a une tradition collective qu'il faudrait quand même pseudo-respecter. On va redéraper quand même, mais on a l'actualité. À chaque début d'épisode, on fait un tour de table pour savoir qu'est-ce qui se passe avec nos gens. Des fois, on joue à des jeux en retard. Des fois, on a vu un film en Blu-ray pis on n'est même pas allé le voir au cinéma. Des fois, on parle d'anecdotes succulentes. Non, finalement, je vais arrêter ça là. Mais, tu sais, on parle de plein d'affaires pis je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tout le monde autour de la table. Pis je veux savoir surtout qui commence avant que je name drop quelqu'un. Moi, je vais y aller. Oh. J'ai découvert... Yannick, c'est un expert, son deuxième... Ben, c'est ça, lui, il est habitué avec la formule. C'est ça, j'ai vu un truc aujourd'hui que peut-être vous avez vu, c'est des poissons qui jouaient à Street Fighter 2. Oui, oui. Que c'est vraiment merveilleux. Que c'est filmé sur Twitch. Il y a un aquarium. C'est un gars qui a un poisson rouge puis un poisson noir et puis il y a une genre de puis ce que ça s'appelle le canal Twitch c'est comme ça s'appelle Fish Play Street Fighter. Non mais c'est pas Fish versus Fish Play. Mais en tout cas, c'est Pokémon, ouais, aussi, je pense le poisson ouais, rouge. Ouais, c'est la ouais. Version originale, mais bref l'aquarium est séparé en trois tiers et chacun de ces tiers là est lié un piton. À un piton d'attaque et de direction de Street Fighter fait que ouf. Puis il y a un truc qui capte la couleur des poissons, le poisson rouge, le poisson noir pour player 1, player 2. Et puis, c'est ça, il y a comme un jeu de, c'est connecté à un jeu de Street Fighter 2. Ça me semble être Turbo Edition. Oh. Qui part tout automatiquement, fait que les poissons font juste nager puis se promener. Puis tu vois ces inputs-là rentrer dans Street Fighter, puis tes voix se battent, puis les gens commentent là-dessus, puis ils choisissent le poisson. Puis il y a beaucoup de gens qui regardent. J'ai quand même demandé ça plusieurs fois aujourd'hui, mais il y avait tout à comme 3600 personnes ouais. qui écoutaient ça, puis le monde vont comme... j'ai vu... Poisson, c'est le mien, c'est bon! Mais je pense que l'Internet est comme ouvert à un genre d'humour absurde sans arrêt. Récemment, le Kickstarter de faire une salade de patates ou n'importe quoi même. La salade de patates qui a fini, je crois, c'était... il a pas fini à 50 000 piastres, quelque chose de même. La salade de patates, il m'a demandé 20 piastres, tu sais. Ouais. Et des affaires ridicules comme ça que, je trouve ça fun qu'Internet, même s'il y a des gens qui se forcent pour faire des twists de malades puis des Kickstarters de fous qui marchent pas. Mais je trouve que pareil, l'originalité que certaines personnes ont à faire des choses comme ça. Puis c'est vrai, Martin, c'est le concept qui est winner rendu là. C'est, il y a du monde intéressant. Qui était vraiment, que leurs commentaires étaient vraiment, vraiment drôles. Tu sais, comme qui commentaient ce match-là comme si chacun, c'est des joueurs invétérés qui suivaient. Des fans de MMA. Oh, un juggle, puis des fois, à cause des poissons qui font juste, non, des fois, t'as juste deux, y a pas de limite dedans non plus, tu vois juste Blanca pis Dalsim qui sautent sans arrêt. Des fois, qui fessent dans le vide, qui fessent dans le vide, pis des fois, à un moment donné, y a un qui est comme, qui a pas perdu d'énergie, qui est comme en situation perfecte, pis il est en train de battre l'autre, tout le monde est comme, oh mon dieu! Y en a un qui s'appelle Robert de Bruce, un des poissons, c'est comme, Robbie va l'avoir, il est en train d'avoir un perfect. Là, soudainement, l'autre poisson le frappe. Ah oh non, j'avais gagé 1000 piastres sur le fait qu'il avait un perfect. C'est absolument ridicule. Puis, le pays, il a peut-être gagé pour vrai. Il y a peut-être vraiment du monde qui drop de l'argent là-dessus. J'espère qu'une nouvelle économie est formée autour de ce nouveau genre de pari. Peut-être que le monde, il gage des bitcoins à côté sur ce game-là. Parce que c'est pas. Mais il y a pas ça déjà sur Twitch parce qu'il y a de quoi qui se passe dessus Twitch, mais il y a un site web c'est le casino. Le casino, ouais. Tu peux payer pour des c'est même roulette, je pense. Non, mais chien, Colin, je l'écoute d'habitude, c'est toutes les fighters de Mugen, ouais, toutes les fighters mis ensemble dans un gros random affaire, fait que Mugen Casino versus Scorpion versus un good final fight, c'est genre qui reskin les personnages puis ils font leur un reskin, là, c'est juste prendre le character carrément du jeu de Spinesse puis il y a des moves comme un fighter. Mais c'est random qui se battent deux ordi. On l'avait écouté pendant une heure de temps à maison. Ouais, mais moi, je le laisse des fois jouer chez nous pour le fun de sa TV. Il y a de la gageure là-dedans. Il y a un casino, puis t'as du temps. T'as vraiment comme 30 secondes, une minute avant chaque site. C'est avant chaque combat. Puis voilà, ça va être lui contre lui. Mais t'as pas de repère parce que c'est un bonhomme de Street Fighter contre un bonhomme d'un jeu japonais bâtard de Dragon Ball, genre. Puis tu fais comme, OK... C'est la même chose pour ça parce que tu sais qu'on dirait que ça libère une partie de ton cerveau, le fait que tu sais que c'est pas deux humains qui activent, c'est bien juste quelque chose d'apaisant que tu peux juste projeter ce que tu veux sur les joueurs entre guillemets parce que c'est deux poissons là, qui se rappellent, qui savent pas ce qu'ils font là. À moins que t'aies comme des gens qui passent à un autre level pis que tu vois comme genre mettons un Amérindien qui bête contre un noir, puis là, ils se mettent des affaires comme ça. J'ai vu dans le chat des affaires racistes, parce que justement, un des poissons est noir. c'est sûr. Blackfish don't care. Ferguson. C'est ça qu'il projette. Ouais, c'est ça, comme, c'est quelqu'un lui, il gagne comme, revenge for Ferguson! les gens, comme, à cause c'est des poissons, tu peux comme projeter ce que tu veux dessus. Mais c'est quoi le prochain stunt de Twitch? Ça, on a eu Twitch Plays Pokémon. Tu peux pas le prédire. Là, t'as des poissons que j'ai Street Fighter, c'est malade, là. La machine va nous surprendre, nous autres, même. C'est merveilleux, pis en même temps, tu sais, t'aurais pas ça en TV conventionnelle. Mais ça me semble, tu sais, un poste, là. OK, pendant les 24 à 48 prochaines heures, ben, il y a deux poissons qui vont jouer à Street Fighter. Non, pis on met un chat sur l'écran. Yes, ce qu'il y a, je pense, c'est en Europe. Je pense que c'est en Europe de l'Est, weird, là. Pis, il y a de la Slow TV, existe, là. Ça veut dire ouais. Genre, pis c'est même pas des faces. En Norvège. Attends, Slow TV? Slow TV, là, OK. Il prend ta TV pendant 3 heures de temps. Il y a comme mettons genre une caméra sur un bateau puis il fait le tour du canal là. Puis c'est ça mon endroit de temps. Oh! Tu vois genre du monde qui traîne une vache dans la ferme pendant comme. C'est entrecoupé de 20 minutes. Il y en avait quand moi j'étais jeune en Ontario, t'avais les Midnight Drive qui se passaient sur la télé tard le soir, les vendredis puis les samedis. Puis c'était comme la nuit, là, au lieu que la chaîne fermait, au lieu qu'il y avait une annonce. C'était juste un char qui conduisait à travers les rues de Toronto avec du jazz. Puis des fois, c'était embrouillé bleu. c'était nice. C'était comme embrouillé bleu. Puis des fois, tu faisais comme « Oh, j'ai quasiment vu un simple! » Mais il joue en plus. Il y a une des chaînes de je pense, de Chum, là. Je sais pas si c'est cette gang-là, qui a des reruns qui jouent. Puis c'est drôle parce qu'ils se promènent. Là, c'est comme tu regardes du monde qui se promène dans les rues à la fin des années 80 ou 90. Mais moi, je trouve ça cool. Là, t'as Night Drive, Cabaret, puis... Ben, pour ce genre de niaiserie-là, il y avait au début de Vrac TV, je sais pas si tu t'en souviens, toi, hein? À fin genre à 8 heures, quand le poste fermait, là, ben de 8 à 9, avant de te mettre un son agressant puis une tête d'Indien là, qui fait bip, le canal il est fermé, mais c'était genre une salle d'attente pendant 1 heure de temps, puis t'avais comme des jeunes assis dedans, puis là c'était comme numéro 20, là il y en a un qui se levait, qui s'en allait. Là, t'attendais un autre 3 minutes, t'as regardé juste des jeunes, genre, attendre. Ça, c'est vraiment drôle. Puis, numéro 19, puis il repartit. Ça, c'était ben, c'était Vrac TV. Ben, ouais, je me souviens, il y en a un des affaires de la même. C'était un des... C'est quelqu'un qui comptait jusqu'à... Comme, ouais, il comptait pendant 1 heure, comme ouais. Chaque seconde. Fait ouais. 1, 2, 3... Je me rappelle quand il y avait TVJQ, la TV des jeunes du Québec, que c'était vraiment vieux. Associé à la LQJR. Exactement, oui. Ben, for you, for us guys. Puis, à 7h, 8h, ça devenait Musique Plus. Ça, c'était le même. C'était le même partout, mais c'était même en Abitibi. Ça, à un moment donné, ça avait juste shifté, ça devenait Musique Plus. C'est là que t'avais Varda avec Bouge de là. Non, c'était avant. C'était bien avant. C'était le Sarazin. Ouais, oh! Rock Velo, c'était cool, non? C'est ça le drap qu'on a fait. Ça, le drap, Rock Velo. Ça, et éventuellement, il y avait... on est déjà dans la nostalgie, nous autres. Oui. Puis éventuellement, il y a eu... Ça shiftait, puis c'était super écran. Mais ce qu'il faisait à l'époque, super écran, c'est passait... Tout ça, sur le même poste, ça passait de... Après... Genre au 12, pour vous autres, je fais quoi? Le U. C'était au 7. Chez les autres. C'est pendant qu'à Montréal, il y avait Video Way, là. Nous, on avait TVI. On avait des bouts d'autres. Puis une fois qu'il n'y avait plus de Musique Plus, c'était super écran. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il passait le 3 à 5 minutes d'un film. Puis après, ça arrêtait, puis il passait de 3 à 5 minutes d'un autre film. Puis c'était comme, c'était pour te teaser, genre de super écran, t'es comme ça, tu vois, comme, hey, écoute-les, va le voir. Comme un viewer's choice de super écran pour aller... Ouais, comme, moi, j'ai vu... Comme t'as des previews des films qui... Le premier 5 minutes... Le premier 5 minutes de Back to the Future 3, là, moi, je le sais par cœur, j'avais le nom dans le cast de tout le monde, puis c'était merveilleux, là. C'était un peu triste, ça. Non, c'est super cool, ça va avoir plein d'affaires sur Retour vers le futur. Ouais, mais tu l'avais pas en cassette, tu peux écouter ou... Oui, mais, tu sais, il y avait ça. Mais regarde, on piratait super écran, et oui, fait que c'est pas grave. Fait qu'en gros, il y avait des poissons sur Twitch qui jouaient à Street Fighter. Est-ce qu'ils ont hijacké ton format de même en ligne? Ben non, il y a pas de problème, écoute. Milton, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Puis mettons que t'as 5 minutes. Oui, j'ai pas fait grand chose. Merci, Milton. Fait que, non, j'ai farmé des Pokémon. À Pokémon Y. Oh. C'est pas pire. C'est le fun. T'as-tu quoi me trader? J'ai plein d'affaires à trader. J'ai tout. Là. Moi, c'est ça, justement. J'ai découvert vraiment mon trade. Je m'amuse. Je donne des affaires, puis je demande n'importe quoi, puis je les ai toutes. En moins comme une couple d'heures, là, je me fais tout donner mes Pokémon que je veux, puis je capote. Fait que je suis comme, OK. Tu les attrapes tous. Ben, je suis sûr, je suis en train de remplir ça, là. Puis, mais je joue à ça de même le soir. Puis, ce que je voulais vraiment parler, c'est nouvelle application Xbox One. Redex. Si je t'assure. C'est Reddit sur Xbox One. Fait que j'ai comme tout, là, à cette heure, là. T'as-tu SpaceDix? Ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai SpaceDix, ma TV. Avec tes kids. Ben, quand ils dorment, naturellement. Mais là, je peux genre snap, pour ceux qui savent pas ce que je veux dire, c'est, tu sais, mettre le petit écran pendant que je joue. Fait que là, je peux snap Reddit pendant que je joue un jeu. Puis là, ben, je vois toutes les niaiseries qui apparaissent, les nains, les maladies vénériennes, le monde mort. Le Blue Waffle. Tout. Je vois tout, qu'est-ce que les merveilles de Reddit, mais à partir de ma Xbox One. Puis, je trouve ça juste drôle parce que je m'attendais pas à ça pendant tout comme application. Il y a plein d'achievements comme d'habitude là, sur okay. les... Mais pour participer, comme disait tantôt... Là, comme... Ben, il y a des achievements qui... Ben, c'est pas des vrais achievements, tu sais, c'est des achievements de 0 point, mais c'est des... Ben, c'est ça. Mais c'est des achievements d'application. Fait que, tu sais, c'est juste pour le fun. Puis, comme Eric il dit, c'est... Ceux de cette application-là sont drôles parce que c'est Major Nelson, ceux qui savent c'est qui. Oui. Le gars d'Xbox. Moi, personnellement, j'suis un fan Major d'Xbox, Nelson. Mais je trippe plus ou moins sur lui. Il est pas méchant, là, sauf que je catch pas le... Good guy Microsoft. Non, mais gars, c'est un Marcel Leboeuf. Ouais, mais c'est tu ça. Tu peux pas l'haïr. Exactement. Mais tu tripperas pas sur lui. Je catch pas pourquoi qu'il est là, mais je suis comme, il est correct. Mais je pense pas... que cette tape-là, où je te... Ça existe. Qu'est-ce que Reddit, ils ont pas vraiment rien à ben, gagner, eux autres, d'avoir directement cette techniquement, connexion-là. Techniquement, c'est RedX. Ah, OK. Fait que c'est pas... Fait que c'est l'application de RedX qui doivent payer d'une façon, puis il y a des pubs à chaque heure. Ça, c'est con. T'es en train de checker tes Reddit, puis à chaque heure... Oh non, mais moi, j'ai passé du temps dessus, là. Mais tu te promènes, puis un moment t'es un peu... Non, non, mais c'est vrai. Comme, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Puis là, mané, il let it sink in. Puis, ah ouais, OK, plus qu'une heure sur Reddit. Ben non, mais quoi, oui. C'est comme, je me promenais à checker les affaires, puis... Excuse. Mais c'est comme... Il y a des pubs qui partent de temps en temps, là, une petite 30 secondes, des gars, qu'est-ce que c'est ça, une pub d'Honda ou, une pub, encore les pubs, une pub de Xbox One, c'est comme, Chris, je suis sur ma Xbox One, déjà, je n'ai une, pas besoin de m'en vendre une autre, là. Mais... Il y a des choses à travailler encore dessus, j'ai remarqué. Il y avait un post, genre, deux jours passés, qui était écœurant, je sais pas si vous allez sur Reddit un peu, c'était le post où il y avait quelqu'un qui avait fait comme plein d'images de planètes sur Imager. Puis là, ça se séparait, puis tu voyais comme toutes les planètes du système solaire, mais une par-dessus l'autre, c'est des images tout seul. Tu es en forme parfaite d'une planète. Fait que, attends, puis toi, tu check des planètes, puis lui, il check des grammes. Non, je check. Je veux juste en aller pour dire que. Il y a vraiment du stock pour tout le monde, tu vois, parce que ça s'appelle SpaceX, que c'est des grammes, là. Mais tu l'as regardé sur Xbox, puis à cause que l'imagerie est pas formaté pareil, ouais. Il y a juste comme 15 photos de différentes à côté qui fait pas fallait qu'il rentre. Puis il y a rien qui les planètes, les veut belles, les planètes, les veut rondes, les veut parfaites, comme dans le poste de l'imager, là. Non, c'est vrai. Mais c'est cool quand même, l'application. Mais ouais, c'est juste ça, c'est le fun, c'est d'autres choses. Puis c'est comme tu dis, il y a des achievements, fait que moi je suis là, là. Je suis en train de les faire, puis j'ai liké 500 comments, puis je dis unlike, downlike, est-ce que c'est ça, downvote dans le fond. Ouais, le downvote. Fait que je checkais même pas c'était quoi, c'est comme, ah, cette thread-là, il y a plus que 500 comments, fait que t'as, descend, downvote, tout le long du thread en lisant bien vite. Le monde de Reddit, c'est très content d'entendre ça. Ben, ça me dérange pas. Là. J'ai fait ça sur un post. Ben cool, fait qu'on va aller explorer c'est ça. Juste RedX. Ben c'est gratis. Tu puis échanger des Pokémon sur Pokémon. Pokémon, ajouter. Moi, j'ai eu un chum de Facebook Nowhere, je pense qu'il écoute le podcast, Nick, son nom. Il m'a aidé Nowhere. Je dis, ah ouais, on se trade des affaires, puis... Cool. Ben, merci, Joe. Ouais. Pierre-Luc. Oui, moi, je réalise que j'ai besoin que mes jeux soient story-driven pour la plupart. Puis, j'ai passé la trilogie Mass Effect il y a deux mois, tu sais. Puis, récemment, je suis tombé, j'ai fini Charmant chaque jour dans Walking Dead. Puis, tu les as toutes faites? Oui, là, je suis à jour. Il manque la conclusion de la deuxième saison. OK. Fait que là, après, j'ai embarqué dans Wolf Among Us. Puis là, tu vois, là, genre, j'ai fini ça la semaine passée, puis là, je suis comme, Chris, j'ai même pas à quoi jouer. Fait que là, genre, je m'en vais dans le Xbox, dans le démo, puis je marque les mieux ratés, genre, de l'autre, puis je commence, ça me tente, ça me tente pas, puis... Fait que je suis vraiment comme super geek, puis genre, j'ai fini parler de... Fait que tu sais, genre, je vais pas embarquer le sujet tout de suite, là, mais quand je suis jeune, j'allais chez Radio Shack, genre, tu payais comme 2$, pis t'avais comme genre un CD 120 démos, là. Ben là, c'est un skip le bout de payer 2$. Shareware. Ouais, c'est ça, exactement. Pis là, genre, j'ai vraiment des démos, pis là, je viens de la même école, là. Ouais. J'ai exactement de quoi tu parles. Toi, t'apprécies les démos, là. Non, mais j'ai juste comme, je veux voir avant de dropper mon temps pis l'argent dans quelque chose, parce que vu que j'ai un temps limité, je veux que ça soit fucking bon, là. C'est un peu ironique, parce que pas plus tard que hier, ces temps-ci, j'étais un peu comme toi, ou sauf moi, je suis sur mon PC, pis... On dirait, je sais pas à quoi jouer. Puis là, je regarde tout le stock, puis comme, puis je check sur Origin, puis hey, t'as 72 heures pour essayer Garden Warfare. Puis je suis comme, ah, c'est vrai ça, Milton m'a dit que c'était bien bon, mais, ah, 72 heures. Ah, c'est pas ça, je vais être obligé de l'acheter. Ah, ouais, ok, mais là, attends, moi, je joue tout seul, puis là, je suis sur Steam, puis je check. Puis tu sais, là, j'ai installé mon projecteur dans le salon, puis là, j'ai ma Steambox à plugger dessus. Puis là, je pogne des vieux jeux arcade puis des cossins, mais j'étais un peu comme toi, tu sais, j'avais classé tous les jeux de Steam qui fonctionnent avec une manette par ordre de cote Metacritic, puis j'en regardais, ok, ça a l'air cool, ah, pas en vente, ah, attends, 20$, je paierais pas 20$ pour ça, pis mais tu sais, on dirait que c'est ça, c'est magasiné maintenant, ben c'est rendu ça, ouais. Tu sais, actuellement j'ai comme genre Sasuke Ado d'Archambault, fait que là-bas il y a des jeux, fait que là je cherchais là-bas, puis je suis comme, moi j'ai essayé de me dire quelque chose, mais je parle avec comme connaisseur pour savoir, tu sais, genre je suis pas plein de monde geek, puis mais tu sais, ça passe vraiment par mode. le gaming, que genre un jeu qui était bon il y a 2 ans, le monde dit que... Ouais, le monde en revient. Ouais. C'est ça, parce que moi, il est rendu à 20$, puis je suis comme, oh shit, c'est comme, moi, je suis tombé sur Mass Effect il y a 2 ans, j'ai parlé à 3 bières un peu, mais... C'est bon, Mass Effect. Je suis tombé sur Mass Effect il y a comme 2 ans, j'avais jamais joué à un jeu. Puis tu sais, il est comme 2007, là, tu sais. Ouais. Moi, je suis l'école Nintendo, c'est-à-dire l'école, genre, tout ce que je jouais était trop facile et retardé, genre. Dès que je voyais du monde qui parlait en vrai, pis je suis comme, oh my god, des voix! Du voice-over, je serais pas tard. Là, t'as fait les 3, là, ou? J'ai fait les trois 2 fois. Good. Une fois avec mes vrais choix, pis l'autre fois, je suis un petit fucker. Pis genre, j'ai vraiment apprécié les 2 fois. Plus en Renegade. Est-ce qu'il y aurait une troisième fois que tu pourrais faire d'autres choix différents qui t'intéresseraient, ou? Non, je pense que, si c'est une troisième fois, j'irais pour l'histoire, immersion. J'aime vraiment, j'ai pas trop avancé, mais quand t'étais jeune, la seule histoire que t'avais, c'était attendre un petit start sur le title screen, tu sais. Puis t'avais comme 2-3 images, puis là, t'es comme, oh shit, Final Fight, quand il est en train de chanceux, 2 lignes. Ou lis du texte, puis c'était comme, puis je me rappelle, étant Final jeune, Fantasy, je lisais le fucking texte, puis c'était comme de la cocaïne pour moi, puis à Star, je suis fier, le fucking texte. Fait que tu vois ça, à Star, moi, c'est important, je veux que mon histoire est bonne, puis c'est comme un critère de base, là, tu sais. Fait que je prends le mec, rien à patente, là, d'espionnage, là, de téléphone, pis genre, Ingress. Ouais, non, l'affaire qui est encore pas populaire, là, récemment, dans le Parle de Poule, là, genre. Watch Dogs. Bon, il prend le gros, qu'il veut. C'est ça. c'est ça, genre, je vais vraiment essayer ça, là. Ben, tu vois, regarde, Eric, si tu me permets, je vais comme de shifter 30 secondes, parce que je peux faire un bon segway, puis je n'ai pas fait un de la soirée. Fait que c'est mes muscles d'animateur, mais Eric, il aime ça, des segways. Mais, voulant dire que hier, j'étais allé, jouer à Clou avec des amis, un couple d'amis, dans le fond. En board game. Puis finalement, ça a fini un peu plus vite que prévu, puis pendant ce temps-là, ben, il y a un démo qui est sorti après Gamescom sur PS4 qui s'appelle PT. Playable Teaser. J'ai joué à PT hier. Ah, t'étais chez Chris. J'ai fini PT, ouais. C'est ça. Fait que j'étais chez Chris. Salut Chris et Lindsay. Merci pour la soirée d'hier. C'était excellent. Donc, on a joué à PT. Comment je peux décrire ça sans donner des spoilers? Premièrement, je veux vraiment pas le spoiler, ouais, même si l'Internet l'a spoilé à date, mais en tout cas, tu joues le jeu pis t'es dans un genre de corridor en L, comme un tétronymo. Mais, tu sais, ou un tétrino, là, les morceaux de Tetris, ils sont en sac, là, t'es dans un corridor en L. Puis là, tu rentres, là, pis c'est creepy as fuck, OK? Parce que là, la lumière est allumée, la lumière est fermée, il y a des petits cadres, des affaires de même. Puis là, tu regardes, puis le cadre est à gauche, tu servais d'abord, tu regardes, puis là, le cadre est à droite, puis là, oh my fucking God. Mais, ça nous a pris 1h15 pour finir le teaser, OK? Premièrement, quand tu finis le teaser... T'as une claque dans la face solide. L'immersion est incroyable, OK? Parce que la dernière fois que j'ai eu à la chienne de même, j'étais après jouer à Outlast sur Twitch, puis j'ai eu l'air d'un cave. Parce que je jouais Outlast, c'est un jeu qui est quand même assez épeurant, puis t'avais un Français dans le chat que j'ai oublié son nom, mais le gars il était super sympathique. C'est un gars qui s'appelait Didier. Probablement. D'accord. On va l'appeler Didier ou Fabrice. Fait que Didier Fabrice était avec moi dans le chat, puis il disait... Fais-toi-en pas, je suis avec toi, ça va bien aller, je te guide. Fait que j'avais du support moral, puis ça m'a aidé, c'est con à dire, hein. Mais PT est une expérience à vivre, honnêtement, puis c'est un des premiers... C'est un teaser, c'est même pas un jeu, mais c'est une des premières expériences next-gen malade. Les graphiques sont incroyables. Fait que là, penses-tu que c'est une affaire qui va arriver plus par la suite, que justement Playable Teaser va devenir... Un affaire que le monde souhaite, hein? J'espère monde, que oui. Dans le fond, c'est comme, tu sais, c'est un mini level de... En fait, je pousse ça plus loin, Yannick, c'est une expérience. Parce que, un teaser, dans le fond, son but, c'est, je rentre, je t'achale, je te donne le goût de voir, acheter, consommer, peu importe, puis je m'en vais. Fait que c'est du shareware. En fait, moi, j'ai fait une plus de, voici comment ça marcherait. C'est ça. Puis là, t'as même pas vraiment le temps de gosser pour vrai, puis là, hey, faut se payer. Il t'explique pas les contrôles, il t'explique pas rien, puis là, tu fais ça, puis... Puis là, tu rentres dans la pièce en L, puis au bout, il y a une porte. Puis là, tu passes dedans, puis tu réapparais au début, puis là, je fais comme, oh, fuck, pas ça, j'aime pas ça, ces affaires-là. Je jouais pas avec mon cerveau à soir, j'ai bu un scotch, puis là, je suis tout mélangé. Puis là, tu repasses dedans, puis là, hey, puis j'ai fait le saut à peu près 15 fois, puis crime, on est 4-5 adultes, d'un salon, puis on joue, puis la TV est loin, puis il y a des lumières d'allumer, puis le kit, mais je... Tu sais, tu as la chair de poule, puis je fais un step, puis je fais comme... Puis c'est con à dire, mais c'était ma première expérience que j'ai un sentiment que c'était quelque chose de vraiment next-gen. Ça me fait penser un peu, parce que on se le cachera pas, c'est Silent Hill quand même, là, tout le monde sait ça. C'est quoi tu l'as spoilé? Je le spoilais pas. Spoiler, ça, là. OK, c'est fucking Silent Hill. Bon, mais gars, vu que tu y es allé, là, je te laisse finir de parler, puis j'explique tout après. Non, mais de un, j'ai aucune idée comment ça finit, là. Je sais juste que c'est Silent Hill, mais c'est juste qu'à la fin. Genre, à la fin, ça il y a sûrement quelque chose rapport. C'est voici mais que oui. Un jeu de Silent Hill, puis ça va ressembler à ce que vous en fait, dire, ce qui est malade. Ça fait penser à The Room, c'est juste ça que je voulais dire. Ben, parce que c'est Silent Hill 4, il avait essayé des affaires vraiment hot, puis The Room, c'était... Mais malade, si tu décris ça, ça me fait penser à ça revient à ça. C'est là que c'est fou parce que premièrement, c'est pas juste Silent Hill, c'est Silent Hills. Ouh, il y a un S en plus. Merci pour le spoiler, André. Et ouais, fuck off. Mais par contre, ce qui est vraiment malade, c'est que t'as deux noms rattachés au projet qui pop aussitôt que tu finis le teaser. Silent Hills. Ouais. Hideo Kojima. Oh, et Guillermo del Toro. Metal Gear. Fait que Guillermo del Toro est là-dedans aussi. L'ambiance est malade. Fait que moi, honnêtement, si vous n'avez pas fait P.T., ben, je vous dirai pas ce qui se passe dedans. Parce que c'est l'expérience qui est le fun. Tu peux, c'est le genre d'affaire, tu sais comment ça finit, puis tu t'en calisses. Mais tu l'as joué, puis c'est le fun. C'est drôle que... On est arrivé tout seul parce que tu sais comme les jeux vidéo empruntent tout le temps au cinéma puis on avait tout le temps des trailers comme des trailers de films pour des jeux vidéo mais là à cette heure c'est un vrai trailer de jeux vidéo, c'est une expérience comme une parcelle de jouer au jeu puis c'est ça à la place de faire une annonce de mais en fait, tu peux aller plus loin parce que c'est une expérience d'une heure, il a dit c'est carrément un film. Mm-hmm. Une expérience de film suivie par un jeu. C'est pas une formule gagnante, ça, en même temps. Mais en fait... Je veux pas dire qu'on veut un jeu de Batman. Là, ça veut dire que c'est le pilote, une série télé, d'abord. Mais en fait, ce qui est encore plus fucké de ça, c'est qu'ils ont ciblé, parce que regarde, écoute, moi, voir un vidéo de jeu vidéo, je viens de l'école old school, ou dans ma jeunesse, parce qu'on parle de nostalgie aujourd'hui, je me faisais un peu tromper. Tu sais, j'ai regardé les vidéos, puis Square, je t'accuse, là. Square... T'es le pire des flibustiers possibles. Puis j'ai utilisé le mot flibustier, là, parce que ça me tentait de dire que t'es un hostie d'enculé. Mais Square, j'ai regardé une vidéo, j'étais comme, ah, il est malade, le prochain Final Fantasy. Pourquoi Cloud a pas de main? Pourquoi c'est des blocs? C'est des gradins. Oui, des gradins, effectivement. Mais tu sais, c'est ça, tu regardes le trailer, puis c'est comme, ah, ils ont des grandes faces, toutes bien faites, les yeux, toute l'équipe. Puis, il y a plus de main. C'est un bloc qui marche. C'est pas beau. Ça ressemble pas à ça. Puis pourquoi? Ben, c'était un peu ça, mais à Star, un playable teaser, ils se sont dit, au lieu de leur pitcher une vidéo qui veut dire n'importe quoi, puis que le monde nous accuse, c'est pas vraiment ça ton engin, le joueur ressemble pas ça à ça, pis tout. On va leur donner une immersion, puis un feeling, une émotion. Puis en jouant à ça, c'est là que tu comprends, tu fais comme, OK, non seulement je vois où vous voulez aller, mais vous m'avez guidé. En dedans de un an ou deux ans, je pense que ça va être devenu super commun. Ça va être énorme, ça. Ça va être devenu l'affaire qui a peur. C'est que, tu sais, si tu fais le jeu pis tu dépenses tout cet argent en production, il va y avoir comme un genre de morceau de budget alloué pour créer. Ben oui. Ce qui doit être, dans le fond, c'est une partie d'une map qui est jouable tout seul. L'appel à l'émotion. Que tout le monde a une console pis un rate de téléchargement assez bon que tu peux télécharger ça sur ta console puis jouer à un petit bout là. Mais ça l'arrive ça, c'est on est commencé. Je trouve c'est un mix entre le démo puis le free to play genre dans un sens. Mais c'est le début aussi du mélange des. Moi je vais juste terminer mon segment en vous disant si vous jouez à P.T., branchez un casque d'écoute. Je vous dis pas pourquoi. Écoutez de l'autre musique. Non, le casque d'écoute dans la manette. C'était le Geek Collectif, le podcast. Effectivement. Mais quelque chose avec un micro puis un écouteur, branchez-le. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment l'utiliser, mais branchez-le. Si l'argent est bon, est-ce que tu coacherais des gens à travers leur expérience de P.T.? Moi, écoute, je pense que tu dois le considérer. Clair, net et précis, mon nouveau hashtag et mon nouveau nom de joueur est maintenant Didier Fabien. Didier Fabien. Donc, Didier Fabien, Fabrice, oui, mon coach de P.T., qui est le prochain jeu d'Ubisoft de DS. Mais, Eric, toi, cette semaine? Pas grand-chose. Non, mais c'est parce que je veux juste dire, d'un, j'ai vu 15 minutes de Journals, je suis pas encore à parler, mais je veux juste aller un petit peu sur le hate. Vas-y. Je veux le hater. Ouais, parlons-en, moi, je l'ai vu il y a deux semaines, mais vas-y en premier. J'ai juste le goût de dire, vite fait, que le film est pas mauvais. Je pense qu'on s'entend un peu sur les plaintes principales que c'est pas assez long. Ouais, c'est pas assez long. C'est pour des kids. Puis quand j'allais voir ce film-là, puis comme quand je vais voir Transformers 4, okay, qui est, m'excuse, mieux que Citizen Kane, Il est quasiment aussi, il est aussi long que Boyhood. Il est aussi long que Boyhood. Puis il a pris moins de temps à faire. Mais je vais voir ces films-là, je vais pas voir comme un adulte dans ses trentaines qui s'en va voir un film avec des fucking robots qui se battent. Je m'assis, je prends mon popcorn, puis mon cerveau baisse bien l'écran par en bas, parce que j'ai besoin de faire ça, on a tous besoin de faire ça des fois. Puis je me mets dans la peau d'un enfant. Je m'imagine d'un enfant pour voir ses... Ouais, à Milter. Est-ce que tu confesses le meurtre d'un enfant? C'est ça. Mais ceci étant dit, je vais aller voir comme un kid, puis Teenage Mutant Ninja Turtles, la première affaire qui m'est venue à la tête, c'était que si j'avais 11 ans, j'aurais vraiment aimé ça. Mm-hmm. Puis je serais même prêt à mettre au défi Doc Brown de venir nous visiter avec sa DeLorean. J'aimerais apporter le nouveau film. Ou n'importe quel autre voyageur du temps qui nous écoute. Ouais, ouais, ben je veux qu'elle avec Doc Brown. Parce que je préfère lui. Il y a ouais, le visiteur. Ouais, exactement. Il est plus sympathique que Jean Reno. Je voudrais apporter une copie du nouveau film, le montrer au cinéma à deux kids de 10 ans. Puis je voudrais dire, OK, on regarde le chéri qu'on se rappelle tout dans notre enfance, que j'adore. Je ne peux pas haïr ça. Il aimerait malheureusement le nouveau. Fait que deal with it. Moi, tu vois, gars, Ninja Turtle, là, je vais juste vous dire, premièrement, ma soirée m'a coûté environ 40$. Mm-hmm. J'aurais pu aller voir Ninja Turtles avec des billets à 16$ dans des bancs. T'as fait des box, on est normaux, avec des lunettes gratis recyclables. Ben, c'est de la folie. Pour moi, payer. Mais ma nostalgie. Aller au full price, bon, c'est de la folie. Là. Ben, effectivement, puis ma folie m'a permis de me payer un banc D-Box, de me mettre des lunettes 3D qui vendaient 10$ TMNT. De Donatello. De Donatello, parce que moi, Team Donnie. Et d'acheter un combo popcorn, payer un extra pour avoir la figurine de Donatello sur mon verre, des choses comme ça. Regarde, premièrement, « Oh non, ils ont des nez! » Calice, ben, rate des nez pendant le film, t'y remarques même pas. Premièrement. Tu peux faire prendre la coke, c'est ben, c'est ça. Tu sais, tu peux snorter du blow, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Regarde, honnêtement, là. C'est win-win pour tout le monde. Je suis rentré dans ce film-là, pis j'étais un fucking fanboy fini de Ninja Turtle. Écoutez les épisodes du podcast du début, là, pis je chialais que c'était des extraterrestres, pis ça avait aucun sens dans ma tête. Ben, je suis rentré dans ce film-là, pis mes commentaires se résument à, c'était trop court. Puis, il aurait pu nous rajouter une demi-heure de backstory de méchant. Tu sais, genre, mets du gras autour de l'os de Shredder, explique certaines choses. Mais le reste, là, c'était le fun. C'était drôle. C'était bien fait. Puis, je regrette pas mon achat de billets. Puis, je vais même l'acheter, mais qui sort en Blu-ray. Moi, tu vois, j'ai été le voir. J'ai payé 7$ pour. Et j'ai trouvé que c'était le prix approprié. Et moi, sérieux, je l'ai trouvé vraiment plate et générique. C'est le nez. Non, tu t'attendais à quoi? Pas de nez. Moi, je m'attendais à ce que au moins que ce soit pas plate et générique. Sérieux, je trouve que c'est un Mad Lib de blockbuster moderne, de méchant qui a un plan qui est sur un building en haut avec des connexions de l'origine des personnages avec d'autres personnages trop tight pour créer un storyline de destin inarrêtable. Mais c'est ça Ninja Turtle à la base. C'est ça Ninja Turtle. Non, regarde, tu vas pas me dire c'est quoi Ninja Turtle parce que je sais c'est quoi Ninja Turtle. Ninja Turtle, c'est pas April O'Neil, tu nous as sauvés quand t'étais jeune. Ben, la nouvelle de IDW, en fait, c'est ça, mais. C'est une affaire de réincarnation pour soutenir leur affaire familiale, c'est entièrement différent. C'est pas essayer de poigner sur des technicalités. En fait, la réincarnation arrive dans le bout de City War, mais. Mais j'ai une question pour toi, Yannick. Oui. Le Jim Henson Special qu'on a tout aimé dans notre enfance, là. Oh oui. Avoir l'âge que t'as en ce moment, avoir trippé sur les comics de Eastman, oh oui. Aller voir le film que t'as aimé dans ton enfance, à ton âge, en 1987, oui. Est-ce que t'aurais aimé? S'il y a des versions de nous quand on a pas et voilà. C'est correct. Tu peux éviter la question. Ben, c'est un peu ça, à la limite, tu sais. Regarde, tu vois, moi, je trouve que le film est vraiment générique et bien que quand j'entends parler du fait que les mais ils ont tout le temps dégénéré. Les Turtles auraient été des extraterrestres. En voyant le film, j'aurais préféré voir la version plus wild que ça parce que je pense que ça aurait été plus mémorable. J'aurais pas aimé ça. Parce, tu vois, ça, mon problème, ça, moi, j'allais pas dans ce film-là en voulant le détester. J'allais pas là en reculons. Mais je trouve que c'est vraiment pas mémorable. Je trouve que tu sais, la notion de famille des Turtles est pas vraiment bien. T'sais, on dirait que le film prend pour acquis qu'on a vu les, nous on a vu les films quand on était jeunes, puis on aime déjà ces personnages-là. Mais ça prend pour acquis que les kids. Moi, c'est ce que je me suis fait dire, ça, par exemple. Ils font pas le travail pour, mettons que t'es un kid qui a jamais vu les Turtles pour la première fois, tu saisis pas autant qu'ils sont des ben, moi, je m'ai fait beaucoup dire qu'il faut que tu prennes pour acquis, qu'ils prennent pour acquis que tu le sais. Ouais, mais attends, par exemple. Ben, tu vois, moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qui affaiblit le film, puis je te dirais, par exemple, que le film, il y a une couple de scènes, je te dirais que moi, je l'ai pas vu, trois scènes qui sont vraiment, vraiment bonnes, que s'il avait retiré un film de ces deux, trois scènes-là, ça aurait été vraiment plus intéressant, comme il y a une scène où ce que les Turtles, ils sont dans un ascenseur avant leur dernier combat contre Shredder. Puis là, ils commencent à faire un beat. McGregor commence à faire un beat avec ses nunchaku. Dans l'ascenseur! Ouais, puis tu vois, puis là, lentement, les trois autres Turtles suivent le beat. Puis à la fin, c'est comme Leonardo qui est le plus sérieux qui arrête. Puis ça, c'est un moment qui est tellement charmant. Puis t'as l'impression que ces personnages-là existent pour de vrai. C'était cool, ça, je l'avoue. C'est le seul moment de ce film-là. C'est un des rares moments de ce film-là que t'as l'impression que ces personnages-là existent pour de vrai. Ils ont du fun, genre. Ils ont une vraie relation ensemble. Puis le reste du temps du film, t'as pas ça, tu sais. T'as juste du CGI qui se parle, que tu vois pas leur face, mais que t'entends les voix parce que les répliques ont été enregistrées 6 mois plus tard dans un studio. Puis aussi, je trouve que la meilleure affaire du film, c'est Will Arnett. Parce que Will Arnett, il est drôle dans ce film-là. Il existe, c'est le seul qui peut exister dans tous les tons bizarres du film, parce que le film, il est vraiment ridicule, comme qu'il devrait l'être, mais en même temps, il est comme étrangement sérieux parce que les Foot Clan, c'est du monde avec des Uzi, tu sais. Ouais, il est dark, là. Si le monde, à un moment donné, les Foot Clan n'étaient pas des Turtles avec des genres de lasso électrique, puis quand ça arrive, je suis comme, enfin, esti, moi, je veux pas des SWAT réalistes qui se battent contre des Turtles, je veux un gars qui a un bras cybernétique ou qui aille des, tu sais, vas-y CGI au complet, puis qui se fasse attaquer par des mousers puis des robots comme dans Turtle 2 avec juste une roue là. Ouais. C'est le je trouve ça, le film il est juste trop générique, il est trop sérieux en même temps. C'est ça, comme les Ninja Turtles. La dernière fois qu'Yannick s'est fâché, depuis même, c'est en parlant de la télé, elle met en gadget. Regarde, moi, je suis content que quelqu'un aime ça, mais je vois vrai, j'ai de la difficulté à imaginer que je pense quelqu'un qui est passionné qui est de cette version-là. Mais c'est ça, ben, non, mais le monde sera pas passionné de ça, par exemple. Ça, je te l'accorde. Parce que je trouve qu'il est flatline ordinaire. Puis si quelqu'un aime ça, tant mieux, mais... Ma théorie là-dessus à moi, puis de manière que je vois ça, c'est que Michael Bay est rentré là-dedans super cocky, il s'est fait varloper au bout, il a coupé plein d'affaires, il a ajusté, puis là, il a fait comme « Hey boy, vas-y conservateur ». Il est coupé en tabarnak. Je pense qu'on va voir le deuxième, parce que là, ils ont confirmé qu'ils en faisaient un deuxième, selon les revenus de box-office. Je pense que là, il va s'en permettre un peu plus, parce que, honnêtement, j'en ai vu des films de Michael Bay, puis Michael Bay, d'habitude, ses films devraient s'appeler « Michael Bay doesn't give a fuck ». Tu sais, genre, t'aimes pas ces drapeaux américains? Ben, fuck you, il y en a plein. T'aimes pas ces explosions? Ça saute de partout, tout le monde meurt, pis t'inquiète. Mais là-dedans, c'était comme, hey, je pense que là, je me suis embarqué dans quelque chose, que le monde, ils tiennent ça vraiment à cœur. Pis là, je me fais varloper. Pis là, je suis mieux de faire attention. Pis TMNT, c'est Michael Bay pile sur des coquilles d'œufs. C'est vraiment comme Nickelodeon aussi. Et oh boy. Plus que Michael Bay, plus que du budget, plus qu'il y a de top pour se pendre. Ouais. C'est simple que ça. Je trouve que des fois il se pendre ses affaires, puis c'est juste. Parce qu'il y a rien qui est aussi bon que The Rock qui a fait. Il y a des affaires qui sont bons à différents niveaux, mais il y a rien qui est aussi bon que The Rock. The Rock, c'est comme Armageddon, il est bon, mais pas aussi bon. Non, pas autant que The Rock. The Rock, c'est fucking merveilleux. Armageddon, pour moi, c'était comme, come on, tu t'en vas sur la lune, dégueulasse. En tout cas, c'était la coche de trop. Fait que moi, j'ai écouté Ninja Turtles. Ben, merci, j'ai aimé. J'ai quelqu'un l'a aimé, mais regarde, j'ai écouté, puis je pense qu'on l'a compris, ça. Tu vas voir Guardians. J'ai écouté Guardians après, puis je fais comme. Ah, mais moi, tu vois, c'est l'inverse. J'ai écouté Guardians avant. Puis j'ai fait comme, non, ben j'avais vu Gordon avant, anyway, puis j'ai comme... Tu l'as vu trois fois, je pense, Gordon. Oui, c'est ça, mais tu vois quand quelqu'un, il traite son CGI comme des vrais acteurs versus ouais. CGI, c'est juste des patentes, puis il y en a un que le CGI a l'air de plus exister pour de vrai, puis l'autre pas, tu sais, c'est juste... Fait que c'est un film de Marvel, puis un film de Nickelodeon. Ben c'est pas Nickelodeon qui l'a produit. Ben, merci beaucoup, messieurs. Je m'excuse. Ben non, mais il n'y a pas de problème, c'est bien correct. C'est le bout de film, j'ai vu Expendables 3, puis je vous suggère de pas aller le voir. Mais c'est 6 sur 10 pour moi, ça me concerne. Vous avez entendu, c'est passable. C'est vraiment décevant. C'est un film qui niaise pas autant que le reste. Il y a autant d'autres. On dirait qu'il a comme pris toutes les erreurs du premier, puis il les a répétées. Attends que ça soit sur Netflix, dans le fond. Non, parce que moi, le 2, je l'ai vu avec ma femme au cinéma, ok? Puis le monde est comme, ça criait, puis ça riait, puis genre, chaque Norris joke, le monde en peut plus, tu sais. Puis genre, c'est ma femme qui me dit, on va voir ce film-là en mardi, ça va être fucking crowded, ça va être la folie, genre, ça va être encore malade. Pis c'est plus de même. Non, mais c'est pas ça. Genre, c'est comme un film d'extraordinaire. Là, et puis il est parti de ça. Non, mais il aurait pu juste continuer à être... mais c'est plus sérieux. Puis, C'est le Mel Gibson curse. Mais Gibson est le meilleur de la gang, je pense qu'il me concerne. C'est juste pour qu'on puisse continuer à aller au sujet principal, je vais m'abstenir de dire un contre-argument. D'accord. Non, mais en fait, moi, ce que je vous propose, c'est que... Effectivement, on va aller dans le sujet principal, car on s'éternise un petit peu sur notre actualité, mais on va débuter par une courte pause. Donc, on revient dans le temps de se rafraîchir. Merci beaucoup. Donc, après une petite pause papy, ben on est de retour. On est de retour avec un sujet qui est la nostalgie geek. Mais là, moi, il y a quelque chose que je me pose comme question, c'est que Trois bières, c'est une émission à la limite où... ben, pas à la limite. Trois bières, c'est une émission où... les gens vous donnent leur sujet. Exact. Puis là, vous avez fait un choix de sujet. Vous vous êtes dit, on va aller avec le geek collectif. On va parler de la comme notre enfance, la nostalgie, des trucs comme ça. Pourquoi la nostalgie? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? C'est parce que je me dans les sujets qu'on reçoit souvent à Trois-Bières, la nostalgie est souvent présente. On reçoit des sujets comme parlez-nous de la récréation primaire, parlez-nous des meilleures séries quand vous étiez jeune, parlez-nous des films que vous avez trouvés quand vous étiez jeune. On parle énormément de stuff ancien. Et les gens aiment s'entendre, être connectés avec nous aussi, puis nous, on aime ça parler de ça tout le temps. On aime s'en parler. Et, quoi de mieux que 5 geeks autour de la table pour parler de la geekitude quand on était jeune. Parce que, à l'époque, c'était un autre monde qu'aujourd'hui, mais un monde, là, différent, là. Aujourd'hui, là, le fait que j'ai un t-shirt Batman, un t-shirt Doc Hunt, puis un t-shirt Spider-Man, là, le fait qu'on fait... J'ai un t-shirt bleu avec 5% de spandex dedans. Ouais, il porte du spandex, mais cette affaire-là, faut en sorte que... Mais tu un t-shirt de Spider-Man, pas n'importe quel t-shirt de Spider-Man, c'est un cover de Spider-Man dessiné par Todd McFarlane en plus. Fait que double down. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une époque... Le sandwich de PFK, là? Oui. Il y a une époque que si c'est trop personne là, ça se promène dans la rue. Le jugement des gens était comme quel site loser de merde, tu sais. Fait que je trouve que parler de comment est-ce que ça a changé, qu'à cette heure il y a un Comic Con à Montréal, tu sais, puis que c'est comme t'as passé à TV là. Puis c'est TV Nouvelle puis Radio Canada font le Comic Con à Montréal. Là. Oh oui, comme le monde de Next Gen sont dans le Next Generation cette année, tu sais. Mais je pense que il y a un peu un phénomène qui est associé à ça ou qui est c'est rendu socialement acceptable voire même convoité d'être geek, voulant dire la glorification de la geekture. Tu sais, les filles à Star qui vont avoir même une classe sociale où dans le temps, c'était comme... Ben, tu sais, t'avais les jocks. Moi, mon chum joue au hockey, t'as l'affaire. Puis à Star, c'est comme... Moi, je suis une fille, je peux te nommer les personnages de la Guerre des Étoiles. Puis non, toi, t'es pas une vraie geek. T'es une fausse geek. Puis c'est, on est rendu à un apex de la société où... Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Ninja Turtle. J'écoutais Samurai Pizza 4. J'écoutais Samurai Pizza 4 à YTV dans le temps. Après ça, il y a Ronin Warriors, enfin la même. J'écoutais de l'animé. Le monde me regardait, c'est comme t'écoutes des bonhommes en japonais, t'es bien fucké. Les Biker Mice from Biker Mice from Mars, moi, qui était plus Street Sharks. Non, c'est vrai, c'était Street Sharks. C'est vrai, ceux avec les short jeans avec les franges. Les short jeans des motos. Mais voulant dire avec ça, c'est que le monde me trouvait weird en tabarnak quand j'étais jeune, tu sais. Fait en haut de 12 ans, pourquoi t'écoutes encore un dessin animé? Tu sais, même là. Mais moi, je veux qu'on fasse un recensement de tour de table, puis je veux qu'on soit honnête là, présentement, OK? À quel âge vous avez arrêté de jouer et non collectionner avec vos figurines? Tu sais, mettons, G.I. Joe, tout confondu, toute la quête. À quel âge vous avez arrêté de jouer avec ça? Je me rappelle pas de l'âge particulier, mais je me rappelle à un moment vraiment distinct que je jouais avec des figurines, justement, des Ninja Turtles. que j'avais acheté. C'était, il avait comme sorti une deuxième vague des Turtles, ouais. Mais qui était, tu pouvais ouvrir leur carapace et mettre les armes dedans. Oui, c'était pas la version originale, parce que moi. Ceux que tu transformais, là, qui faisaient la petite tortue. Non, c'était juste, tu l'ouvrais sa carapace, comme un monsieur patate que tu caches son nez pis ses oreilles dedans, mais là, tu ouvrais la carapace pis tu mettais son épée pis son, ses cossins dedans. Là, moi, j'étais comme, depuis que j'étais vraiment plus jeune, je voulais avoir les quatre Turtles, mais je voulais pas acheter Donatello à Hawaïen avec une chemise Hawaïenne. Ouais, ben, ou qu'il joue au soccer. Ou il fasse de comme banderole et tu passes à travers son corps puis il parle, guillemets. C'est ça. Moi, je voulais le real shit. Le action figure. Je voulais des Turtles basic avec chacun d'entre eux. Puis là, finalement, ils ont sorti, je pense que c'était la fin de la run de Playmates, des figurines. Puis je les ai achetés puis j'étais super content. Puis un soir, comme après, j'ai dit à rien, puis j'essayais comme de jouer avec, puis dans ma tête, je voyais, je comme... Ça marchait plus, hein? J'ai pas de fun à faire ça. Puis les mots-clés, c'est « je les ai achetés », donc t'avais clairement pas 11 ans, là. J'ai... Ben non, t'as de l'argent, pareil. J'ai dû avoir comme, tu sais... 13-14? 13, peut-être 13, ouais, à peu près dans ces eaux-là, tu sais, 13-14, puis là, j'étais comme... Puis comme genre, Chris, je me masturbe, puis j'ai fini cette époque-là, genre. L'époque weird où d'une main, t'as un Ninja Turtle, puis l'autre main, t'as un pénis. Tu masturbes en écoutant un film embrouillé à super écran. Tu vois, un bout de fête en Ninja Scroll, comme ça va être ça mon affaire aujourd'hui. C'est là que Raphaël prend le bord, là. J'avais fait un choix. Une notion que je vois un pan de vie aller derrière moi, parce que je suis comme... J'ai les quatre Turtles, pourquoi c'est pas le fun? Ça devrait être la fin la plus le fun au monde, j'ai les quatre. Les quatre, là. J'ai enfin accompli ce. J'ai l'hélicoptère pis la vanne, c'est pourtant. Pis là, il y a un clip de Samantha Fox qui passe pis tu fais It doesn't make sense! C'est là que la figurine d'April O'Neil prend tout son sens, par exemple. Il y a un gros trou dedans pour ça. Donc, 13 ans à peu près, mettons. On met ça à 13. Probablement, oui. Je sais pas exactement. C'est-à-dire, j'aimerais ça avoir une affaire plus saisie. Je me rappelle juste de la crise existentielle de pourquoi que j'ai les quatre Turtles en même temps pis que je trouve pas ça le fun. Mais moi, je trouve ça symbolique de la manière que tu l'apportes parce que c'est pas... Moi, je l'ai vécu d'une autre manière, OK? Moi, c'était vraiment comme figurine Power Ranger, toute la kit. Puis là, tu t'approches pis quasiment secondaire pis des affaires de même. Puis à un moment donné, c'est comme... Chris, il me semble que je suis rendu vieux jouer avec ça. Tu t'en rends compte. Tu sais, moi, ça a été comme, je suis rendu vieux jouer avec ça, mais j'avais du fun pareil. Puis tu sais, tu veux quoi pour Noël? J'en veux d'autres de même, mais je re-questionne fortement mon choix, par contre. Mais tu sais, toi, ça a été l'inverse. Où ça a été, Chris, oui. J'ai quatre Turtles, je devrais me sentir comme le king du monde. Puis, me semble c'est pas aussi le fun que c'était dans ma tête. Puis, vous autres, c'était à quel âge? Moi, c'était un peu comme Yannick, je te dirais, à 11, 12 ans, peut-être, 12, 13, peut-être... Mais j'avais mes Ninja Turtles, puis j'avais aussi une shitload. Sérieusement, je sais pas où c'est que j'avais tout acheté ça, là, mais j'avais le ring de lutte avec toutes les acides lutteurs en figurines. On voit Pierre-Luc faire « Oh, OK, ouais. » J'en avais une trentaine, le Superfly Jimmy Snuka, là, que je pesais dessus, puis il sautait. Gros en rubber, là. C'était Jimmy Snuka, figurines, 90s, même époque que Ninja Turtles. J'avais les deux, des fois, c'est genre, je pognais mon ring en plastique avec mes genres de cordes élastiques, puis j'avais les Bushwhackers. J'avais les Rockers en plastique. Qui est Jimmy Snuka dans le WWE. Jimmy Snuka, j'avais Coco Beware, le même que tu faisais. Moi, j'ai pas fait de mal à date, les Bushwalkers, Coco Beware, ça va pas. Ben, j'avais Hulk Hogan, Ultimate Warrior, tout. Je les avais toutes, là, vraiment. Je l'avais, là. Tes pognets, là, il y avait, tu sais, articulé qui faisait l'animation, mais tu mettais les mains dans les airs, tu mettais un autre lutteur ses mains, puis il pitchait par en avant, genre. Fait que c'était pareil comme dans l'annonce, là, quand je jouais, là. Puis un moment donné, même affaire, puis je faisais aussi, j'avais l'ego des Ninja Turtles, j'avais l'hélicoptère, j'avais pas le Jeep. Ben, pas le Jeep, là, mais la minivan, là. J'avais pas ça, mais j'avais l'hélicoptère. La Turtle Van. Ils viennent de la sortir en pop de Funko, en passant, la Turtle Van, vintage 1980. Cool, hein, vraiment cool. Je vais checker ça, mais en tout cas, j'ai un moment donné... 12, 13 ans, toi, avec? Entre 11 puis 13, je me souviens pas exact, là, mais si, un moment donné, j'ai fait what the fuck. C'est ça, c'était quoi le déclic? C'est quoi qu'il y a? C'est comme une journée, je les avais, puis je jouais, puis j'avais mes chums, puis c'était l'histoire 40 qui se passait dans ma tête. Puis l'autre journée, tu déshabillais la petite Stéphanie dans la ruelle. Ben, peut-être pas à ce point-là, mais l'autre semaine d'après, j'étais comme, me semble que c'est plate d'avoir mon bonhomme dans les mains, puis j'ai beau m'imaginer une histoire, puis tout, là. C'est-tu là que t'as remplacé un Bushwalker par une Tornado Alim? Je te dirais que j'ai commencé plus à jouer au Super NES à des jeux plus compliqués, plus, j'ai comme transféré ça. Chrono Trigger est aussi. Ben, genre, les Chrono Trigger, les Final Fantasy, les Earthbound. Affaires plus Earthbound, oui, exactement. Là, tu sais, les jeux plus, je veux pas dire intelligents, mais mon intérêt, il était écoute, plus moi, là. Écoute, tu vois, figurine dans, dans ta main. Et ben, avoir, c'est ça, là, lire quelque chose. Équiper puis... Le stimuli devient c'est ça, là, exactement. Ben, c'est un peu ça pour moi, parce que c'était la même affaire. Moi, c'était les jeux vidéo qui m'ont dépliqué les comptes. Puis je jouais jeux vidéo avant aussi, alors, moi, par ça, exemple, mais pas le level, il était d'autres choses, là. Tu sais, c'était... J'avais même pas de console de jeu quand j'étais jeune, j'en avais pas. Puis je me rappelle, je jouais He-Man. Moi, j'étais He-Man, je suis peut-être un petit peu plus vieux, là, mais... Je n'avais plein quand j'avais 5-6 ans, là. Ouais, OK, c'est ça. Moi, He-Man, tout le kit. Des bonhommes de Star Wars, je faisais des scènes de Star Wars, puis des bonhommes verts de guerre aussi, là, je veux dire. Mais ça, c'était mon 5 à 6, 7 ans, là. mais moi, j'ai arrêté à peut-être, je m'en rappelle, c'était peut-être 7, 8 ans, j'avais été en cave d'un un de mes amis, qui avait, ses grands-frères, il avait eu une Nintendo. Puis mes parents étaient trop pauvres pour Nintendo. Mais cette calice-là, il échangeait du temps de Nintendo pour des jouets. Puis je me rappelle payer des jouets à cette petite gang de fuckers-là pour que je puisse juste fucking jouer un à... Un pusher comme... de... Ah! Oh, mais... comme juste pour que je puisse jouer à des jeux comme ça dans la cave. Puis je me rappelle, je me faisais hustle au bout par... Chris, t'étais comme dans Snowpiercer. Mais hein? moi c'est ça. Pour mettre un petit peu de contexte quand même, mon enfance, puis je te parle de 3, 4 jusqu'à 10 ans. Mettons combien des années, là? C'était quoi? C'était en 1820? C'était quand même un... Tu sais, Rascals, on avait comme toute une rue avec plein de kids, puis il y a des petites gangs, puis je m'en rappelle de tout ça très bien. Puis ça, c'était une famille un petit peu plus spéciale. Puis en tout cas... Puis les parents disaient sûrement rien. Hein? Non, fait que t'habitais sur la même rue que les parents de José Théodore, toi. C'était tout des Shylock, de moi t'es bébelle, tu vas jouer au Nintendo. À chaque 3-4 maisons, t'as la famille de Bully, puis tu sais, c'était juste comme ça que c'était. Là. Quand mais, tu payais pas assez, t'avais la figurine, mais il y avait pas la tête. C'est ça pour dire que c'était... 9 ans à peu près. J'avais pas Battle Cat avec E-Man? Non. De toute façon, je voulais juste jouer des consoles. Je voulais juste, puis après ça, j'ai eu la Nintendo quand j'avais. Je voulais juste aller en avant du train. Mais. Un peu, ouais. Mais ça, c'était un. Excuse-moi, là, mais c'était un vieux geek Russell. Parce que t'avais beau te faire écœurer ou niaiser ou peu importe. Le gars, quand il voulait les codes du sang de Mortal Kombat, ou qu'il voulait les fatalities écrits sur une feuille, ou quelque chose de même, il venait te voir en crisse, pis tu lui donnais le 4 piastres pour avoir la feuille imprimée de codes pis d'affaires de même, là. Tu vois, j'étais un peu à la même place que toi, où il y avait comme un genre de, comment je peux dire ça, d'écosystème financier dans notre jeunesse où, tu sais, tu parles ton ami qui échangeait des jeux vidéo contre des bébelles. Non, c'est ça, c'est tant de jeux vidéo comme des bébelles. Chez nous pendant 2 heures. Moi, tu vois, c'est l'inverse, c'est que moi. Lui, il y a un club vidéo à cette heure. J'avais un gars à l'école que je nommerais pas, mais que quand j'étais plus jeune. À la première, on nomme les gens. On nomme les gens. C'est important ça, là, c'est quelque chose qu'on en fait, même si j'aimerais le nommer, je me souviens même plus c'est quoi son nom. Je sais qu'il habitait sur la rue en arrière de chez nous. Son père était pompier. La rue au moins de bord de quelque chose. La rue Potier, si je me souviens bien. Je parle pas de Frédéric Payard et Guillaume Payard qui sont des très grands chums à moi, là, les deux Payard. Non, eux autres étaient vraiment cool, on jouait au hockey dans la rue. Il y avait une autre famille à côté. Puis, ce gars-là, lui, c'est un peu l'opposé où, tu sais, quand on était jeune, t'avais des familles qui en avaient pas beaucoup, pis que c'était important. Ça, c'était ma famille, en passant. Ben, tu sais, moi, dans le fond, là, tu sais, j'en avais pas grand figurine, mais astique que c'était important pour moi, mes figurines. Puis je me rappelle, j'avais un de mes chums de gars, que lui, tu descendais dans la cave. Il avait tout. Pis astique. C'est un musée, là. Le poste de pompier de Ghostbuster, le char Ecto 1 de Ghostbuster, les Ghostbusters complètes, toute la kit. C'est ça! Technodrome, limité, il y big ass. Il y a aussi ass, le Battle puis... Carrier des G.I. Joe. Il y avait tout! Ça, c'est puis, mon cousin. Puis il s'en, sacrait. Puis lui, il s'en sacrait, puis comme, comment t'as pu perdre cette magie? Comment tu peux? Puis moi, j'étais comme, man, Je l'imagine dans le plus profond de mon imagination de petit gars, puis ça existe, puis Chris, c'est là. Je l'ai vu dans le catalogue Sears. Je rêve de ça, je l'aurais jamais de ma vie. Là. Pis tu l'as là, puis tu t'en sac. Il est dans son chat pour gosser avec, là. Oh. Puis ce gars-là, c'était la même affaire, parce que nous autres, puis les payeurs aussi, on avait des Nintendo, nous autres, puis on s'est changé les cassettes, pis le kit. Puis lui, un moment donné, il est embarqué dans la run de Nintendo, il a fait, c'est quoi vous faites, les gars? On joue à Blaster Master, t'aimerais pas ça. Ah, Chris, c'est pas pire, ça, c'est quoi ça? Hey, il y a des crabes géants là-dedans, tu peux y tirer. Puis là, lui, un moment donné, il est embarqué, ben, tabarnak! Le Nintendo, toi fucking cassette. C'était le, tu sais, le show-off, ça a rue, qu'il y avait 251 jeux in one, là. Ben, c'était lui, tout ça. Tout le monde avait la 42, genre. C'est ça, mais lui, il avait 250. C'est comme, pourquoi, là? OK. Il y a 8 fois Mario. Qui a besoin de 200 versions de Pac-Man différentes? Lui. Mais moi, ça faisait chier qu'ils avaient. J'ai jamais été un gars de figurines, par exemple, suivante. J'ai toujours eu chez moi une console de jeux vidéo. Parce que, j'avais 4 ou 5 ans. Je suis né en 84, puis je fais une vraie ville. Pis j'en peux créer du prix pis là la prochaine. Mais ce que j'avais, je me souviens, c'est je suis en mois de mai, c'est de ma fête, dehors fait super beau, tu sais. Puis là mes parents, ils, c'est ma fête, mais j'avais mon cadeau, pis c'est le NES, tu sais. Puis moi je connais pas ça. Fait que là, genre, je suis comme c'est quoi? Puis là mon père m'explique, mais ça, ça va pouvoir jouer dessus devant TV, tu sais, les enfants aiment ça. Là, comme... Il t'a-tu dit ces mots-là, exactement? Non, mais c'est une affaire similaire. Hein? Les enfants aiment mais ça. C'est la... T'es un enfant. Mais ça, c'est. Non, mais je veux pas. Quand t'es un enfant, c'est ça, gars. Quand t'es courant. À l'école. Moi, je suis courant, j'avais pas le bien conduire encore 4 ans. Ouais. J'étais courant que je pouvais pas faire ça. Courant, je vais pas prendre la bière non plus. Ni, quand... Mais genre, ce que peu importe, là, genre, pis là, mon père, il me dit, vas-tu faire ça, c'est la folie furieuse, tu sais. Ouais. Pis là, moi, j'ai dit, c'est bien con, moi, j'aime ça jouer dehors. J'ai dit ça dans ma vie, j'aime ça jouer dehors. Aujourd'hui, là, jouer dehors, là, ça, et être un esclave, là, ça vient à peu près au même niveau. C'est là, la paix, enfin. À cause de, et quoi que c'est eux autres, là, ils m'ont empoisonné trop tôt, ils savaient pas, je suis tombé dedans rapidement. Plus tard, genre, j'ai continué, je suis au cégep, à l'université, là, je peux plus. C'est là que j'ai comme décroché. Mais, jusqu'à ce moment-là, genre, je dans mes veines, s'il vous plaît, les Nintendo, là, genre, pis... Moi, je suis juste curieux, regarde, on va faire un tour de terre rapide, là, mais là, jeux vidéo, on a tout un peu de connivence avec le domaine. C'est quoi votre souvenir le plus cher de votre enfance face aux jeux vidéo? Moi, c'est... T'as le doigt dans les airs, Pierre-Luc. Go for it. Parce que, vas-y. Chez nous, on avait le multi-tap au sport. Wow! Tu joues au volleyball, là. Je jouais à Bomberman. Puis à Bomberman, à 4, là, à stick, c'est cool, tabarnak. Ouais. Ah ouais. Nous, on a passé des soirées. Au NES ou au Super NES? Super NES. Ok, c'est ça, ok, ouais. Puis j'ai passé des soirées au Super Mint. J'ai passé des soirées entières, puis des journées entières à jouer à Bomberman avec mes amis. C'est fucking cool, là, 1 puis 2. C'est que c'était cool, ça. C'est genre mes meilleurs souvenirs quasiment dans ma vie, là. Ouais. Je pouvais comme, quand mes amis, ils disent, hey man, on veut ça, Bomberman? Oui. Le pire, c'est que tu pourrais le faire aujourd'hui, puis ça serait aussi cool, même. T'aurais pas l'élément de nostalgie. Mais ça serait cool. Tu trouves une bière, tu joues à Bomberman, puis fuck it. Puis, tu sais, moi, à ces temps-ci, je suis retombé dans le board gaming, puis je trouve que l'avantage du board gaming, comme Bomberman, c'est que c'est tellement simple que celui qui a le jeu chez lui, il est pas comme en train de dominer tout le monde. Ça part. Non, c'est ça. Parce que, genre, moi, je me souviens, on est, genre, je suis au secondaire. Allez, on se jette, puis quelqu'un m'amène chez lui pour jouer à Call of Duty sur une PS3 que j'ai jamais été mettre dans les mains, puis là, une clenche tout le monde, puis genre, il y a quoi plaisir. Mais un Bomberman, c'est tellement facile à comprendre, tellement simple que... Il y a pas de skills requis. Mais il y en a, mais c'est parce que l'apprentissage, c'est comme, j'ai mis mes mains, puis j'ai appris dessus. T'sais? En fait, justement, j'ai toujours des soirées chez moi avec ma belle-sœur puis son mari, puis eux autres, ils viennent. Ouais, je commande sur des statues de Catan. Mais c'est ça, on joue soit à Catan ou à Bomberman. Pis tellement au point, ma belle-sœur, mon beau-frère, il a un Xbox 360. Elle a joué à Bomberman chez nous. Puis elle a dit, comment est-ce qu'on pointe ça sur mon Xbox? Puis Christy, elle s'est pratiquée avec quasiment tous les achievements sur c'est le seul Christy jeu qu'elle joue. Puis là, après ça, quand elle arrive, elle est comme, on joue-tu, là? Elle est toute prête. Elle a toute pensé à ses stratégies, là. Mais, comme tu dis, au début, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? En dedans de 2 minutes et demie, tout le monde a compris c'est quoi le concept. Ouais, elle se met dans le marde avec une bombe elle-même, puis là, après, elle comprend qu'il se passe. Ouais. Fait que dans le fond, Bomberman, c'est ton souvenir, sans hésitation, c'est après, le moment. Après, c'était GoldenEye 64. Ouais. Mais, genre, mettons que tu parles, t'as dit enfant, moi, c'est Bomberman. Ben, tu sais, même enfant, mais mettons que t'as choisi. OK, là, t'as un choix déchirant live, là, Pierre-Luc. La porte 1, GoldenEye, et la porte 2, Bomberman. Quelle porte franchis-tu? À l'heure où on se parle, je retournerais plus vers Bomberman parce que ça me tente moins d'avoir trop à initier du monde, là. J'ai initié à Bomberman. En passant, Goldeneye a pas bien vieilli. Puis Bomberman, c'est quand même... Tu parles d'un gars qui a un prix parti pour Perfect Dark Zero, mais toi, Milter, ton moment de gaming... Hey, moi, là, j'en ai une coupe, je te dirais. Mais mettons un, là. Ouais, non, mais mettons pour en raison de temps de podcast. Il y en a un, là, ben, il y a matalisé tout de suite, vite, dans un sens, le Zelda au Super NES. Oui, l'équipe de passe. Je me souviens que j'avais hâte de finir l'école pour arriver chez nous puis de faire fuck you, mes amis, je jouerai pas au hockey dans la rue avec vous autres à soir. C'est pendant comme 4 mois. J'ai des responsabilités envers une petite passe qui s'appelle Hyrule. C'est ça. Puis, tu sais, c'était comme, tu sais, avant Internet. Fait que, tu sais, le donjon, tu le faisais tout seul. Fait que c'était normal que des fois, ça te prenait 2 jours le faire. C'est pas grave. Puis, j'étais pas pressé. Puis, j'avais pas personne qui me spoilait le 7e donjon sur Internet, là, ou de quoi. Fait que, moi, j'étais dedans. Puis, des fois, j'arrivais à l'école le lendemain. Puis, je demandais à mon ami, comme, hey, toi, t'es rendu où? Hey, moi, j'ai pogné un quart de cœur hier. Ah ouais, moi, j'ai pogné une baguette de feu. Je suis comme, oh shit. Tu sais. C'était écœurant, là. C'était ça, puis c'était pour moi, je me souviens que c'était comme 4 mois, là, que j'ai fait Zelda, puis je l'ai fini au complet, là. C'était écœurant, là. Moi, dans le temps, j'avais Link the Past, en Spandando, j'avais en français. Ouais, ouais, mais il y avait des versions... Ouais, j'avais en français, puis genre, ça m'a fait vraiment apprécier le jeu, parce que c'est les seuls jeux que je comprenais, enfin. Parce qu'à l'époque, j'étais... Mais c'est un des seuls jeux que t'avais vraiment... besoin de comprendre dans un sens. Moi, c'en est un que mon père s'est objecté parce que je l'avais eu en français au départ, puis mon père il a fait. Puis c'est un des mots que je vais le remercier aujourd'hui, puis il a dit, bon, on va faire comme, c'est pas un vrai Québécois, mais mon père, il a dit, regarde, il dit, Chris, mon gars s'intéresse pour une fois à quelque chose, ça va y ouvrir un moment donné des portes. Non, non, je veux qu'il joue en anglais. Il y a peut-être pas beaucoup de temps. Il y a le livre de Mudora qui traduisait les... Props pour la référence. Tu veux le Eater puis le Quake puis le troisième affaire, tu vas apprendre à lire. Mais le pire, c'est que crime. Oui, ça m'a aidé. Ça puis sûrement le fait que le jeu français il était 20$ plus cher. Mm-hmm. Peut-être que ça a rapport aussi. Mais c'est là qu'on drop du knowledge pour le monde qui nous écoute puis qui ont peut-être pas le même âge que nous autres, mais. Link to the Past, Milter. Oui. Quand t'achetais ta cassette, elle coûtait combien ta cassette dans le temps? Dans le temps, elle valait, je pense que celle-là, elle valait quelque chose, je suis pas sûr. 70. Mais c'était, 80. non. 95 à 120. C'est des cassettes de Super NES, là. Moi, j'allais même au marché aux puces, là. J'avais un gars qui m'y vendait 3 jours avant qu'il sorte, puis il vendait pas de taxes, puis il fournissait des clips vidéo, là, à Saint-Eustache. Le gars, il est plus là. À cette heure, j'étais allé en fait semaine passée. À cette heure, il y a des t-shirts de Sons of Anarchy. Mais tu sais, j'étais allé pour la fun. Je m'ai dit peut-être que le dude, il y a encore un kiosque, puis il a juste évolué son shit dans le sens que c'était un fournisseur, là, c'était un distributeur, puis il passait ses fins de semaine au marché aux puces, puis mon père était devenu chum avec. Puis j'avais tous mes jeux, là, j'allais là à toute fin de semaine avec mon père, puis j'avais mon jeu comme qui sortait le mardi ou quelque chose de même, ou peu importe. J'ai vraiment d'avoir ramassé l'argent, moi, vraiment longtemps, puis d'avoir attendu une de passe, de voir 2 screenshots dans Nintendo Power, puis d'attendre pour le voir pendant quasiment 1 an, puis... payé comme 96. Moi, c'est ça. Pour être bien franc, le Link to the Past, je l'ai pas acheté, c'est ma tante qui me l'avait prêté, parce qu'elle, elle l'avait acheté tout de suite, ma tante Gamers, qui est la plus grande RPG Gamers au monde, là, ma tante de 60 quelques années, là, et peut-être plus même. Mais en tout cas, c'est elle qui me rentrait vraiment dans les RPG du Super NES. Du prix, c'est qu'à l'époque, aller au cinéma, c'est 4$. Louer un film, c'est 1$. Mais Final Fantasy, je me souviens l'avoir payé. J'ai payé 119. 115 au marché aux puces. Ah, fait c'est 119 dans un magasin normal. Là. Mais tu sais, c'était 120$ un jeu de Super NES. Mais tu sais, c'est débile pareil, parce que on regarde ça à Star, puis le monde, ils se disent, tu sais, hey, un jeu vidéo 64, hostie de gang de capitalistes sales, de pâtes, tout croche, pis, wow, t'as peur, man. C'était 119. Il y a une affaire, par exemple, que le monde, que je peux comprendre, ou quoi, c'est le coût de production du CD coûte vraiment beaucoup moins cher que le cartridge, la puce, pis tout le manufacturing qui venait dans le format du temps. Mais d'habitude le coût de la vie va en montant et non baissant drastiquement de même, là. Fait que c'est un autre gars, revenez au sujet principal, si on peut dire, là. Un autre souvenir, Link to the Past, mais un autre souvenir qui était un petit peu avant ça, mais qui m'a pas assez marqué pour un jeu, mais peut-être vous avez fait ça aussi, là. Moi, quand j'étais jeune, puis j'étais encore dans le temps du NES, par exemple, là, je partais au club vidéo avec deux, trois de mes chums voisins en Bessic. Yeah! Il y en a un qui venait de débloquer 4$ pour louer un jeu pour la fin de semaine, genre que son père, il l'a assez gossé, puis que le père, il a fait « Cresse-moi à paix, puis là, 4$, va te louer un jeu. » Fait que là, c'est comme on se rejoignait tous dans la rue. Et puis comme... deux pièces en papier aussi. Oh, aussi, ouais, les deux. Hey, tabarnak. Dans notre petite affaire en rond, dans le cou qu'on se mettait, là, genre, là, tu sais, un petit tube dans le cou. Pour la plage, mais pas à la plage. Quand t'étais jeune, tu le mettais pareil. Quand t'étais jeune, c'était juste une manière. C'était ton portefeuille, parce que t'en as pas de portefeuille. Saint-Eustache Beach. Exact. Fait qu'on partait en Bessic comme des estides malades. On se rejoignait dans la rue, là, comme, tu sais, j'ai 4 piastres. Ah ouais, on partait, puis là, on louait un jeu de NES. Mais vraiment, si vous êtes, si j'ai 4 piastres, vous êtes un langage ordurier à cet âge-là. Oh, hey, mais c'était assez hard. Là. C'était des vrais comme péquistes pour québécois à côté. Fait que le langage ordurier il était là. Là. J'ai une couple d'anecdotes reliées à ça. Puis... Hey, attends, check bien ça. Je viens d'avoir un flash. Mon voisin, là, qui était la famille de 8 Québécois, vraiment purlaine, séparatiste au bout, là, avec qui j'allais louer des jeux, puis qui copiait des films en VHS dans le temps. D'ailleurs, il y avait deux VHS. Il y avait-tu le convertisseur entre les deux pour enlever copyright? Non. Il louait un film. Puis là, ça, c'est ça. On allait au... C'est tout relié, même. On allait au Magnum Vidéo, OK? Le Magnum Vidéo, ceux qui viennent de Terrebonne-du-Savant. Chris, c'est où? C'est à côté du... C'est à côté du Terminus. C'est à côté du Terminus, OK? Mais là, t'allais là, on louait notre jeu. Mais les pompiers... pis les polices. Fouille-moi, fuck off, pourquoi, à part autre le fait que le building était propriété de la mafia. La police et les pompiers avaient un deal. C'est serious shit à Mascouche, man. Hey, man, il y avait 50%. Puis vu que le père à mon ami séparatiste, pis sa famille de 8 enfants, il était pompier, mais lui, il droppait sa plaque de pompier, pis ça a l'air que les pompiers ont une plaque qui disent qu'ils sont pompiers. Puis il y avait un deal, genre, au club vidéo. Fait que là, on allait là, pis on fait louer comme deux jeux pour le 4 piastres. Mon Dieu. Parce qu'il lui disait, mon père, il est pompier, pis tabarnak, il s'en souvenait, les employés. Je pense que son père, il a tellement fait une impression là-bas en droppant sa plaque, puis en sûrement dans disant que quoi. Dans le temps que les plaques faisaient 4 par 8, tu droppais ça sur le comptoir. Mais gars, ce club vidéo-là, il était sketch là, un peu, là, tu sais, gars, Mafia, Magnum, il laissait des deals aux pompiers, police, pourquoi? Pour qu'ils backent la place, il y avait des arcades, c'est la première place que j'ai joué à Mortal Kombat de ma vie à ce club vidéo-là, tu sais. Oh shit! Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'on passait comme 1 heure avec nos casques de bicycle dans les mains, regarder la rangée de jeux NES qui, on s'entend, elle faisait comme 35 pieds de long, là. Ouais, c'était malade. C'était long, avec les scrunchs. Puis, ouais, là, tu pognais ton petit scrunch, puis, oh, fuck, il est pas là. Ça, là, un club vidéo de marde a des scrunchs. Ben, pas le choix. En fait, tu vois, aujourd'hui, un club vidéo high-end a des scrunchs, parce que c'est vintage. Mm-hmm. Ouais, puis le monde qui loue des films, c'est vintage, fait que... Ben, hein, mais ça. Là, tu pouvais louer des jeux d'ordinateur au club vidéo. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est... Puis ils ont arrêté parce que le monde, ils s'installaient, puis une fois qu'ils étaient installés... C'est comme ça que j'ai commencé un parcours de ma vie qui m'a amené à découvrir comment exploiter certains exécutables. Mais, moi, j'avais des anecdotes, je voulais partager avec vous autres. Cette étape-là que tu parles là, de prendre le Bessic puis aller au club vidéo, moi, ça m'a ramené 3-4 souvenirs. La ride de Bessic était plus mémorable des fois que la ride de le jeu en tant que tel. Moi, je me souviens, premièrement, un portefeuille que ma mère avait acheté chez Avon. Un portefeuille Super Mario avec un hologramme en 3D dessus. Puis là, j'avais ça, puis j'étais le king du monde. C'était comme, premièrement... Mario qui était comme Mario qui devenait Super Mario. C'est ça, exactement. Là, j'avais comme, quoi, 7 ans, 8 ans, même pas. Puis c'était comme, OK, d'un, j'ai un wallet. Fait que d'un, j'ai un portefeuille. J'étais quelqu'un. De deux, c'est fucking Mario qui a dessus. Puis de trois, à chaque semaine, j'avais une tâche qui était sortir les ordures, passer la mop, passer le balai, nettoyer la marde des chiens dans la cour, et j'avais 10 piastres par semaine. Je connais pas une inflation, je me basais pas sur tout. Sauf que, avec ces 10 piastres-là, je partais, puis là, j'allais au super club, où j'avais un club vidéo. Mais j'allais souvent au super club à cause de la machine à 1 piastre. Je me louais un jeu à 4 piastres. Puis mon 6 piastres, je le crissais dans la machine. Pas là, les capsules. C'est une loterie qui donne une capsule, puis genre, mettons, un film... pire affaire que t'avais, c'est ça. Pire affaire que t'avais, c'était le popcorn. Ouais. La pire affaire que t'avais, t'avais un popcorn. Mais le popcorn valait 1,50 puis t'avais coûté une pièce. Tu rentrais dans ton argent, mais j'avais de la loc. Je pognais souvent des trois vieux films pour whatever. Fait que Passager 57, je l'ai écouté en tabarnak avec Naked Gun. Mais... j'arrivais au club vidéo. Puis hey, non mais gars, écoute, ça a été le début d'une histoire d'amour avec les clubs vidéo pour le moi. Le pêche, c'est que ma vie. Les deals de mais tu sais, c'était malade. Fait que je partais avec mes chums en bicycle avec mon portefeuille Mario Bros à la gramme. Je mets loin un jeu, mais je me souviens la course pour avoir Super Metroid. Parce que toutes les clubs vidéo de Laval, t'avais le vidéo Noma sur de la Laurentide, t'avais le Planète Vidéo que les autres ils ont parti une guerre de prix que les autres, t'avais le Super Club Vidéotron, pis t'avais l'International un peu plus loin. Tout le monde avait deux copies de Super Mario. Super Metroid, excusez. Puis un moment donné, il y a un club vidéo d'illuminés qui ont fait, nous autres on fait un deal à 8$ pour la semaine. Part en bicycle. C'était un nasty deal. 8 piastres la semaine, le jeu, fuck off. Mon père, il avait rentré dans ces genres de deals-là, puis il me regardait, puis il dit, moi, je paye plus pour louer des jeux à deux jours. C'était, t'es pogné avec une semaine. Hey. Tu l'aimes pas, fuck you, tu joues avec. Moi, j'ai 8 ans, mon portefeuille Mario Bros. Puis là, je pars, puis je m'en vais chercher mon chum Fred Leroy, qui restait pas trop loin. Puis là, un moment donné, je fais, hey, moi, mettons, j'ai 10 piastres par semaine, tu te la quittes. Toi, t'as combien? Ah, moi, j'ai mon salaire, puis la quitte. Puis là, on se cotisait à deux, puis on a un moment donné, puis là, on embarquait, puis on fait, hey, faites-vous des réservations, ces jeux? On peut pas y réserver, Puis je me souviens, là, d'avoir passé facilement 3 jours d'affilée de l'ouverture à la fermeture en face du club vidéo. Puis dans le temps, le Super Club Vidéotron, il y avait des revues, il y avait ci, puis ça. Puis là, on lisait les revues, on jouait ces stations démo, puis on attendait. Puis un moment donné, le gars vient nous voir, puis il fait, OK, les boys... il est revenu Super Metroid. We are the champions. Le Messi est revenu. On loue ça, on part. J'avais une vieille TV toute décalissée chez un de mes chums dans le top du cabanon. La marque I Shit You Not, ça s'appelait une Telefunken. C'est malade. Puis on jouait à Super Metroid là-dessus. Puis ça, c'était les crises de bonjour, là. Tu sais, fait que ça, c'est comme le gros, comme gros, gros souvenir. En ce moment. Non, mais c'est malade, là. J'ai vu de, moi, à l'époque, La Prairie, au coin, Fleury, puis Saint-Jean, il y avait le, Vidéo Magie. Puis, le Vidéo Magie, là, moi, j'ai découvert Mortal Kombat, ça m'a ouvert l'esprit, genre, je sais pas parler à Trois-Bières, mais moi, ça m'a comme capable. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. En arcade ou? Au Super Nintendo. Ah, je suis OK. J'en revenais pas. Puis, j'appelais, là, tout le temps, à chaque fucking 5 minutes, Il est survenu, non. Et à cause de moi, les vidéos magie a mis la mise à côté. Parce qu'il était fucking curieux que j'appelle à chaque 5 minutes pour savoir si c'était revenu, là. Je te comprends parce que j'ai fait pareil avec le Mortal Kombat 1 au Magnum Vidéo, justement. Puis pour le 2, ben, j'ai été chanceux vu que mon père les connaissait bien. Puis en tout cas, mon père est agent d'immeuble, pis ça a fini qu'il a vendu des buildings à ces mafiosos-là dans le temps. Puis, ils ont comme réservé pour moi, comme il y avait la petite pause, comme Mortal Kombat 2 sort. On l'a deux. Il aurait pu flotter une cassette à son père. Il aurait pu, mais j'ai pu la louer 2 jours avant qu'elle sorte. Fait que c'était quelque chose. Puis, je l'ai acheté une journée avant qu'il sortait à Bandachero, OK? À l'époque, aujourd'hui, il y a Nautilus, mais à l'époque, c'était une distribution consommateur. Oui. Et, au distribution consommateur, il sortait un jour avant tout le monde. Genre, avant, partout, j'ai fait le tour. Mais fallait-tu le trouver dans le catalogue, c'est ça le problème? Oui, parce que le chiffre dans mon pot. C'est ça, c'est chiant, ouais. Ça, c'est malade, parce que ça me fait penser... C'était écœurant. Quand il avait sorti le Network Adapter de PS2, qui venait avec le SOCOM, un moment donné, puis c'est dans le début d'Internet, dial-up, je suis connecté, puis t'as un dude qui fait, « Man, Toys R Us pète le street date. Je suis un BBS à l'autre bout du monde, je le quitte, je suis comme... Fuck that, Toys R Us. Bolton Board System? Là, je suis comme, pis c'était à la fin des Bolton Board. Tout le monde était sur IRC, mais j'allais checker pareil. Non, mais il y en a encore des Bolton Board, mais on s'entend, là. Regarde. Tu lèves sa manche. À même année, le monde était sur Undernet, en train de surfer des albums d'MP3 sur XDCC. Mais, moi, je suis là-dessus, pis je fais... Point d'exclamation, find. C'est ça. Fait que là, moi, je suis là, pis je fais comme, Toys R Us a pété Street Date. Fuck that. je sors dehors, puis là, ramasse le petit cochon, sors l'argent, toute la kit. Non, non, je savais il était où, puis je l'enlignais pas à peu près. Sauf que, fallait que je passe l'autoroute, mais j'étais en bicycle. Donc là, maintenant, c'est comme, fais un bif. Hey, je pars pendant 4 heures de temps. Tu racontes, t'as tout le temps un storytelling campbellien, tout le temps un appel à l'aventure, tout le temps comme... Mais c'est malade! Faut que tu passes à travers des épreuves pour t'en rendre. Mais c'était malade! Hey, ça m'a pris 4 heures! T'es en baissé sur l'autoroute! En fait, ça sonne big, mais j'ai passé par le boulevard Chamédé, fait qu'il y avait aucun mérite. Mais aussi, directement sur les systèmes de véhicules à deux roues, plutôt que par son bike, tu peux faire un segway capote, là. Ah non, mais écoute, je trippais, là. T'avais facilement comme 15-16 ans, là. Ouais. Sauf que pareil, man... Claque-toi une ride de 4 heures de bicycle que t'aies 21 ans, 32 ans, 60 ans, 15 ans, c'est 4 heures de bicycle pareil. Pour ça comme. Pour revenir chez vous pour faire « Hey man, j'ai eu avant Street Date pis on est 4 sur le serveur pis les games ils startent à 6. » Fait que t'attends pis t'es dans le chat room pis tu pitonnes avec tes flèches. Pis là tu fais « Is it working for you guys? » Faut que je fasse la parallèle du network adapter parce que j'ai eu la même expérience mais j'en avais 22 ans. Puis moi, qu'est-ce que j'avais pris, moi, c'est que j'étais allé avec mon plan, c'était de aller pogner le network adapter, utiliser les demo disques, puis jouer à Frequency Online avec toutes les tunes. C'était bon, man. C'était that was my. C'est un jeu qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, ça, puis Amplitude en fait. Mais pour revenir sur le sujet principal, moi, je vais aller un petit peu plus vieux que vous autres. Il faut que j'aie au Commodore 64 que j'ai jamais eu. What? Jamais eu, mais j'ai toujours des amis qui en avaient. Puis, je pense que les parents... Bon, ouais, les parents des amis en avaient. Des sus pis des shit comme ça. J'étais pas... C'est plus dans ce stage-là, mais c'est dans ce stage de... Tu sais, j'ai un Nintendo, mais là, je viens de découvrir le Commodore 64 pis des jeux tellement plus avancés. Mm-hmm. Mais c'est... On parle des jeux qu'on a resté des heures dessus. Man, finalement, c'était Aero Biz sur Super Nintendo. Non, c'est une joke. mais j'ai bien aimé ça. Mais c'était les Maniac Mansion. Merci Eric. Les Zach McCracken. Ah, je vais dire merci pour le... Mansion. Mais tous les jeux d'aventure sur le Commodore 64. Puis je me sentais tellement, quand je jouais à ces jeux-là, j'avais pas la console, mais j'étais comme genre, j'ai un ami de mes parents, puis on était là pour un camping, pour une fin de semaine, puis le grand, plus vieux, il avait ça dans sa chambre, pendant que tout le monde partyait. Mais moi, j'étais le kid qui allait se cacher dans la chambre, qui avait le Commodore 64 en tant que j'étais ce kid-là, mais... Des affaires comme ça. Puis je jouais à Space Taxi jusqu'aux petites heures. Le jeu que j'allais te mentionner. Space Taxi, là, c'était ça. Puis aussi, tout le jeu de Carmen Sandiego. Ben, Carmen Sandiego. Moi, je jouais, là. OK. Mais je comprenais fuck all, mais je jouais. Moi, c'était mon... Excuse de couper, là, mais les jeux de Epix aussi. Les jeux de Olympique, le Summer Games, Games Skate or Die. Moi, ce qui m'a fait capoter, c'était le Tandy que mon père m'avait acheté aussi quand j'étais jeune. Ah, t'es riche, toi. Non, man. Mon père... T'es riche. Mon père travaillait comme 4 jobs, puis honnêtement, pour Chris... Pour payer des jeux vidéo. Pour payer des comics, des affaires de même. Puis Chris, man, mon père, honnêtement, à cette heure, je m'en rends compte, mais quand t'es jeune, tu te dis comme, ben, OK, on a du stock, mais, tu sais, on est chanceux. Puis à cette heure, je fais comme Chris, il a dit d'en sacrifier le bonhomme pis tu le quittes. Sorti le Tandy, là, au début, là, je me rappelle même avec mon cousin que lui il est comme hey, on fait comme dans Weird Science pis des hosties de niaiseries pis tu le quittes. Le pire, c'est que c'était quasiment ça, pis j'étais comme what the fuck? Mais je me rappelle aussi à m'amener réaliser, pis tu sais, c'est le background en informatique, mais rouvrir le livre pis faire hey, t'as peur, OK, je peux jouer à Star Wars. OK, j'ai 800 lignes de code à pitonner, par exemple. Il faut pas qu'il y ait une erreur. Tu expliques aux gens le code. Un Tandy, dans le fond, là, c'était un ordinateur. Un Tandy 1000 TX, je ne sais pas si c'était la même affaire. C'était celui qui était built-in dans l'écran, tu avais le gros clavier, puis tu pitonnais deux morceaux. Il y avait comme un bouton, mais c'est plus comme une genre de grosse pancake plate à terre. Mais vous deux vulgarisez la patente. OK, ben gars, un Tandy, dans le fond, c'est un ordinateur qui avait... Il y avait pas un... Ben, en fait, le logiciel d'exploitation, mettons, au lieu d'avoir Windows ou DOS, il y avait un compilateur. Il fallait que tu codes qu'est-ce que tu voulais faire. Donc, tu pouvais faire des commandes basiques. Genre, une console de jeux vidéo, c'est ma cassette. Là, faut que tu écrives le code, là. Pis, mais tu pouvais sauvegarder sur une disquette, mais moi, j'étais pas assez riche, pis j'étais pas assez avancé pour avoir des disquettes. T'avais un Tandy. J'avais un Tandy. On se cachera pas, c'est une affaire qui coûtait comme 3 000-4 000 $ dans le temps, là. Mais, cette affaire-là, tu vois, mon père l'avait acheté au début parce qu'il voulait s'en servir, pis il a pas été capable. Mais la première fois que j'ai codé, c'était le jeu. T'avais-tu joué à ça, Yannick? Le jeu de Star Wars, t'avais comme les X-Wing, puis tu codais, puis tu faisais tes shots. Non, les jeux que moi j'ai joués, c'était des jeux de Sierra. Fait que je jouais à des King Quest. Avec oh my god, ok. King Quest, des Police Quest. Ça, c'était malade. Ça. Space oui. Space Quest. Moi, j'ai joué à Space Quest 3. Nice. Mais ouais, tu sais, puis c'était vraiment. Tu vois, mon Tandy, moi, c'était quasiment du basic. Fait que fallait que tu codes ton truc. Puis là, un moment donné, t'arrivais, puis tu faisais run, puis il disait, ok, t'as une erreur ligne 48. T'as une erreur ligne 672. Ça n'est vraiment pas le fun. Même, c'était pas le fun. Ça, c'était comme une coche. Mais, hey, c'était malade. Je m'en rappelle, puis ça, je l'ai utilisé à la fin. Fait que t'avais de mes chums qui jouaient au Nintendo, pis moi, j'avais dépoussiéré le Tandy, puis c'était comme, Chris, faut ça marche, ça. Puis, tu voulais jouer à Star Wars, c'était 700 quelques lignes de code. Tu faisais une erreur, tu pouvais pas jouer. Mais man, la première fois que ce Star Wars-là a parti, j'ai fait... J'ai unlocké l'univers. C'est moi qui a fait ça, là. J'ai copié ligne pour ligne, caractère pour le caractère, qu'est-ce qu'il y avait dans le gros livre. Mais j'ai fait ça de mes doigts. Puis ça, Select All, il n'existait pas encore, genre. Non. En fait, même Select All, j'aurais pas pu faire ça, parce que c'était un livre pas un écran. J'avais même pas de souris sur le Tandy, hein, pour te dire, là. C'était n'importe quoi, là. C'était dans le temps que tu faisais CLS, puis tu changeais la couleur d'écran. Ouais, comme Logo Writer. La petite tortue qui... J'ai déjà fait une animation de lutte incroyable avec ça. Moi, je me rappelle, j'ai dessiné un sprite de Mario. Mais tu pouvais en faire plusieurs, puis le faire bouger. Tu le faisais avancer, changer. Plein de calculs incroyables. Il y avait comme un genre de cours spécial d'ordinateur au primaire. Il fallait que je m'ostine avec le monde. Comme, ouais, je suis capable de dessiner la tortue, je m'en sac. Parce que je dessinais mieux que n'importe qui dans toutes mes classes. Je veux dessiner comme un sprite de Mario avec un logo writer, mais il était comme, c'est des vieilles madames qui comprenaient pas c'était quoi dans le livre. Comprennent pas le but de. Il y avait peur que si j'essayais de dessiner autre chose que ce qu'il y avait dans le livre, j'allais comme briser la machine de 3 000 $, tu sais. Mais dis-toi que ces femmes-là, quand ils ont vu Jurassic Park pour la première fois, ils ont fait un ACV, ils sont tombés à terre, ils ont fait comme, hey, c'est l'affaire quand j'étais jeune, tu sais, c'est ça, ils ont réalisé. Mais justement, je pense qu'il y a juste Yannick pour les jeux, là. Toi, tu disais que tu trippais bien sur Roberta Williams, puis tu te demandais si c'était un homme ou une femme, ou... Non, mais King's Quest, c'était King's toujours, Square, c'était toujours présenté Roberta Williams King's Quest au début, là. Oh, ouais, pis Sir Graham. Sir Graham. Son teint jaune et son chapeau de roi des bois bleu, pis regarde, je l'ai guidé dans des aventures, pis dans King's Quest 2, il y a une caverne de sorcière que si tu y vas au mauvais moment, tu te fais tuer, si tu vas pas. Pis il y avait un genre de glitch, pas un genre de glitch, mais en fait, il y avait la Batmobile de la Mouest qui sortait de la caverne de sortie, puis ça arrivait tu sais aux 100 fois ou aux 50 fois que tu y allais, puis les deux je l'ai vu deux fois, puis j'essaie de pas de recréer ce moment là YouTube il doit l'avoir, là. J'espère que pour les gens qui connaissent pas ça, King Quest, c'est un jeu d'aventure. OK, ton personnage se promène sur le qui sera à faire, mais il faut qu'il écrive qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Ouais. Tu confonds avec les flèches. Oui. Mais il se promène, mais après, t'es comme, tu veux faire comme look at rock. Mais t'as le texte base. C'est comme temporel incorporé. Temporel Inc, oui. Mais tu vois, c'est plus comme Zork, dans le fond, par exemple, le premier King Quest. C'est le début de qu'est-ce que King Quest est devenu. C'est quoi le nom de ce style de jeu-là avec des mots? C'est text-based game. Vous saviez, en passant, puis là, je drop du knowledge, mais la suite de Chrono Trigger, entre Chrono Trigger puis Chrono Cross, il y a eu Radical Dreamers. Chrono Cross, qui est la suite. C'est celui qui... Le Chrono Trigger du PS1, là. T'étais plus sûr entre ta manette. Non. Mais Chrono Cross, dans le fond, c'était le Chrono Trigger du PS1. Puis entre les deux, t'as eu Radical Dreamers. Mm-hmm. Allez-vous pogner le rhum de ça. Si vous êtes capable de faire un text-based game, c'est incroyable. C'est super bon, l'histoire est malade. Mais c'est du texte. Moi, je vais parler d'une affaire. Je peux parler du fait que tout le monde joue aux jeux vidéo, mais personne ne le met en public. Comment tu veux dire? Dans le temps, c'était d'autres. Mais c'était en public. Je pense que tout le monde jouait. Une casquette Mario Kart, moi j'en avais une. Puis c'était non, pas, mais ça, c'était, c'est ça. C'est, toi, t'allais trop loin. Ben, tu sais, pas t'allais trop loin. Ouais, tu vas trop loin. Tu jouais chez vous, mais... comme affiche-les pas, là. Non, c'est comme regarder la porn. C'est ça, là. Oh, c'est comme regarder la porn, mais pour dans ton t-shirt, il y a Pornhub, là. Mais, Brazzers. Moi, je suis d'accord totalement avec toi, là. Je te comprends là-dessus, puis je sais pas si là-dessus vous êtes comme moi en même temps, là, mais comment je peux dire ça? Y a-tu un moment donné dans votre vie que vous êtes rendu compte, si on peut dire, de l'échelle ou classe, je veux pas utiliser classe sociale, mais tu sais, là, que vous avez fait comme, hey, Chris, je suis un geek. T'sais, hey, pis c'est, hey, c'est pour ça qu'il y a du monde qui me font chier à cause que j'aime telle affaire ou, parce que moi, j'aime les comics. J'ai toujours aimé les comics ou presque. Puis j'ai des souvenirs de, exemple, près de Denis la menace, Denis la petite peste, ou peu importe, ou même Bart Simpson, qui est le revival de Denis la petite peste, quand on y pense. C'est quoi qu'il faisait? Il était cool, il buvait une slush avec son comic plié dans la poche, puis il faisait du skate, puis yeah, je m'en aimais foirer les Radioactive Man, puis tu fais comme, il est cool, là, ce kid-là. Là. C'est le gars le plus cool à venir. Sauf que, il était pas cool, il se faisait écœurer à l'école, il se faisait traiter d'épais, mais pour moi, je le regardais, ben, puis j'étais, il est cool. Oui, dans le moins, mais c'est quelque chose que, sur le coup, tu te rends pas compte. Ouais. Moi, j'ai un souvenir clair qu'à l'époque, Nino Power, il venait aussi au magasin, que tu pouvais, comme, commander des choses avec. Là. Ouais, ben oui, oui. Moi, j'avais comme... catalogue, des stamps. Oui, c'est ça, oui, ça, c'est comme... Pour commander l'affaire, dans le catalogue, il y avait des... Une chemise en donné avec un décal qui vraiment l'aide de Gale dessus. Comme oui, pas voulu par Capcom. Mais oh, ouais. J'avais commandé un casque de vélo, Donkey Kong, juste qui venait de sortir au Spandando. Donkey Kong Country. Oui, il venait de sortir au Spandando. Ouais. Puis, mes parents m'ont dit, hey, tu vas faire carré. C'est quand vraiment, ils m'ont dit ça, tu vas faire carré, attends-toi à ça, tu sais. Puis, moi, je m'en comme... disais, tu sais. Fuck off. Moi, j'ai porté des casquettes de WWF, là, pour Puis là, je t'envoie ma photo de 6e année avec mon suit jogging macho man. Oh, fucking shit. Man, j'assumais en crise au primaire. Je me rappelle, genre, que dans mon quartier, c'est pas cool de porter ça. C'est pas nice, tu sais. Par contre, à un moment donné, je suis allé faire la tour de l'île pour le tour des jeunes, pour qu'on appelle ça. Puis là, je suis une superstar, mon gars, là. Pour de vrai, là. Parce que c'est comme tout du monde, ben, l'anonymat, parce qu'il y a 15 personnes, tu sais, dans, en fait, des grosses foules, là. Toutes des fans de Bessic, en plus. Non, mais tout avoir non, mais je veux tout avoir des, tout le monde jouait aux jeux vidéo, mais personne n'admettait. Fait que genre, dans un crowd, parce que personne ne disait, quoi tes amis vont se dire, hey, je connais, je veux l'homme aussi. J'ai rendu une, tout le monde m'a dit, tu sais pas, il s'est rendu. La fierté numérique. Non. Oui, c'est la fierté gay qui est venue. Ah ouais, non, mais c'est. Mais moi, je trouve qu'il y a eu des étapes dans ma vie où, à l'école primaire, il y a eu un moment où, à peu près, je te dirais, je pense que c'était 5e année. Tu sais, c'était genre, moi, j'étais encore le gars en jogging. Ben, le 2e cycle, là. Puis là, le monde, c'était comme. Transition, là. Tu mets pas des jeans. Si tu fais un jogging, j'étais nowhere. J'étais en jogging de lutte. Jusqu'au, mon secondaire, c'est là que j'ai arrêté de me mettre. Moi, tu vois, secondaire. 6e année, fuck off. C'est là que le secondaire où ça a été, ça a commencé à être un peu plus rough. C'est là que moi j'ai réalisé que parce que le primaire à la limite tout le monde était cool, personne n'achalait trop, mais rendu au secondaire, c'est là que tu remarques puis moi ça m'a frappé où ça a fait OK, le monde s'en allait à gauche. Mettons là, je te dis, le monde faisait des parties, ça dansait des slow. Le monde tu connais pas aussi. Il essayait de naquer, puis le kit. Puis là, c'est important d'écouter tel groupe de musique, puis telle affaire, puis tu le kit. Puis moi, c'était plus comme, hey man, savais-tu que dans Mega Man X, à telle place, quand tu réussis à placer, puis faut que j'interrompe, puis mais gros, vas-y, mais c'est... J'étais là, moi. Mais voulant dire que, moi, où ça m'a frappé, où... Moi, mais c'est parce que j'essaie juste de comprendre... Parce que t'as une différence. Eric qui frenchait, oui, assis, puis il popait des pilules. Non, mais parce que je veux juste faire sûr que d'un côté, tu t'assumais, puis t'aimais ces choses-là. Moi, j'ai toujours assumé. Mais il n'y avait jamais eu un moment où tu essayais de fitter in. Non, mais c'est ça que j'ai... Parce que... Moi, j'ai juste pas compris. Ouais, mais en fait... On a toute une phase de ça. C'est là que je voulais emmener, c'est qu'au primaire, j'ai jamais eu besoin d'essayer. Non. C'est qu'au primaire... Le monde jugeait pas, le monde faisait rien. Mais rendu au secondaire, c'est là que ça m'a donné ma première claque. Moi, ça a fait comme, Chris, pourquoi tu parles tout le temps de jeux vidéo? Tu parles tout le temps de telle affaire. Il y avait des personnes qui jouaient des jeux vidéo. Mais il n'y en avait pas tant que ça, de ce clique-là. Parce que tout le monde essaie de fitter in. Plus comme peut-être le plus nerd de ton crew. Mais c'est pas les autres qui s'affichent. J'étais pas le plus nerd, mais voulant dire que le monde t'en avais, c'est con à dire, mais autour de moi, puis gars, c'est peut-être une affaire, gars, Laval, là, hashtag Laval, mais c'était peut-être le monde qui était un peu fake. C'était peut-être le monde qui était fake un peu, mais tu sais, tu parlais à un gars, mettons, puis t'étais tout seul avec, puis c'est comme, hey, Mortal Kombat, t'as l'affaire, puis tu te la quittes. C'est mais surtout qu'il y avait du monde autour. Hey, fuck Mortal Kombat, t'as-tu vu Dance Mix 94, c'est super cool, puis j'ai frenché une fille hier. Mais pis c'était comme wow, ok, mais on s'en calisse de ça. Le weirdo dans la gang là, mais y a, moi j'ai vu le mélange de ça, puis ça existait. Je qu'est-ce que tu faisais le mélange? Ben, en fait, dire, non, je comprends pas. Moi, ce mélange-là, il était rare en crime, puis il est venu par après, je te dirais. Dans le sens que au secondaire, il y a un bout que il y a pas un de mes chums ou presque qui jouait à quoi que ce soit. Sauf, je me souviens, genre, une fois, peut-être, un moment donné, un de mes chums, si on peut dire, dans l'époque plus cool, là, qui était pas des gars gamers, on s'est rendu compte chez eux, on s'est fait un meeting chez eux, puis on a joué à GoldenEye. Ouais. C'était comme une soirée, puis gars, on n'a plus jamais rejoué avec ce monde-là. Mais plus tard, quand en étant plus vieux, avec ce même monde-là, peut-être plus au PS2, c'était genre à l'époque, justement, il y en a un qui a un appart, puis on n'a pas trop d'argent, tout le monde s'est acheté de la bière, puis il s'est foiré, puis on jouait à Pigs of War, qui était une version 3D de Worms, sur PS1 ou PS2, je me souviens même plus. Puis tout d'un coup, tout ce monde-là, on aime ça jouer à des jeux, puis tout. Puis il y a 2-3 ans, on tripait beaucoup moins, puis on voulait sortir dans le parc, boire de la bière. Moi, secondaire, il y avait des jeux, par contre, ça commençait à devenir cool, mais il y avait des jeux qui étaient cool. Dans le sens que si... Certains... Ouais, mais c'est l'autre que je veux m'en aller. Si tu joues à Tony Hawk, t'es nice. Ouais. Tu peux être dans la gang. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y avait un échappatoire de jeux vidéo qui était plus mainstream. Oui. C'est sûr que tu parlais pas des derniers. Moi, les conversations geeks qui se passaient. Des JRPG, tu mentionnes pas ça. JRPG, là, ça c'était plus sideline, mais tout ce que je veux en venir, c'est que la question du jeu vidéo dans ma jeunesse, ça faisait partie de la jeunesse, là. C'était pas mal vu. Ah, nous autres, c'était mal vu. Moi, c'était mal vu. Très mal vu, ici. Ah, ben, ici, c'est une affaire quoi, c'est une affaire au Québec? Toi, franco-ontarien, man, toi, vous autres, vous acceptez tout, mais ici, au Québec, on a une place ouverte puis pleine d'esprit, comme vous. Non, non, mais je m'entendais de dire ça non plus, mais puis il y avait la gang de trous de cul que je me tenais pas avec. Bon, moi, quand j'étais au primaire, là, j'avais la gang. Les gens qui avaient des il y avait la gang qui écoutait du Metallica puis du Guns N' Roses avec des bombers puis des Ducks 18 trous qui fitaient avec la même couleur que le bomber, genre. Fait qu'il y avait des Cherry Ducks, là. Puis lui, il jouait pas aux jeux vidéo, puis il te faisait chier parce que t'avais un jogging d'Undertaker, puis que toi, tu tripais à jouer à Zelda le soir. Je pense que je vais te dire. Moi, je faisais le lien, là. J'étais, man, t'écoutes Metallica, quand on était du Dead Man. J'étais 5 pieds 12 à... 5 pieds, 6, 6 pieds. Ça. Ouais, ben moi j'étais gros, puis j'étais grand, puis je faisais du foot. J'aimais des jeux, c'était très rare que quelqu'un me pointait du doigt. Toi, il te le disait juste pas. Tu pouvais imposer le fait que, regarde, moi j'ai mes goûts quand même. C'est exactement ça que j'ai toujours fait, puis peut-être c'est un acquis. C'est que ça. Moi j'avais pas ce physique-là. Moi j'étais un maigreur nerd, là. C'est genre, la maigreur nerd, ça c'était ma shape. Mais je trouvais quand même, j'ai toujours trouvé, puis je me suis promené comme de milieu métropolitain à milieu banlieue campagne, puis je finissais toujours par trouver des gens qui avaient les mêmes goûts que moi, puis je me tenais avec eux autres. Mais je pense que l'affaire qui se passait au secondaire, que moi je me rappelle, peut-être vous avez vu ça aussi, ou peut-être moi j'ai juste vu différemment, mais t'avais comme le show du secondaire, puis après ça, t'avais les branches qui se séparaient ailleurs, à l'extérieur, aux maisons, le soir, la semaine. Ou ce que, je veux dire, tu savais que... Ben moi, j'avais mes chums gamers que je faisais des raids de bicycle, comme je te disais tantôt, pour aller louer des jeux de NES avec eux autres. Puis on jouait, lui, avec le Sega, l'autre, le NES. Il y a une affaire, par contre, qu'on n'a pas trop parlé. Puis moi, ce qui est cool, c'est que justement, quand tu dis, tu sais, trouver du monde que tu fitaines avec eux autres, le kit. Moi, ça m'est arrivé, je te dirais... je vais avoir quoi? 26 ans. Non, 16-17 ans, ça a commencé à arriver. Moi, je l'ai vécu d'un autre côté de la... Parce que les jeux vidéo, ça a toujours été une partie de ma vie, mais ça a toujours été un hobby. Mais où j'ai trouvé une clique, où on s'est vraiment reconnus ensemble, tenus ensemble, puis associés, moi, ça a été les années IRC. Moi, j'étais j'étais un kid d'IRC. Internet. Undernet. Moi, en fait, tu vois, j'étais même sur le réseau de Vidéotron. Je me souviens pas c'était quoi. Mais j'étais sur cette Infinité. Il y avait Canal Ado, Canal 100% musique, chat, des affaires de même, tout le kit. Puis moi, j'étais un script kiddies. Fait que j'ai vraiment fait mon prof. Colin Debin, c'est pas toi, mais c'est pas loin. Non, en fait, je suis pas Colin Debin, mais je me souviens de ça. Mais regarde, écoute, j'ai utilisé Aggressor dans le temps. J'ai été un gars qui était mon propre skip IRC codé puis des choses Colin comme ça. Colin Debin, traduction pour le dude qui était même dans my god, internet. Comment qu'on peut t'expliquer ça? Dans le temps, regarde, mettons, OK, t'avais des gens qui allaient sur IRC par l'entremise de leur furteur Internet. Fait que t'avais du monde qui était sur Netscape, qui allait sur IRC puis qui chattait. T'avais du monde qui avait un MIRC qui était à la limite. Puis moi, ça m'a ouvert une autre porte où mes années de Tandy m'ont aidé à coder. C'est que tu pouvais coder du basic dans ton MIRC. Tu codais tes propres fonctions. Là, pour partir de base, MIRC, c'est juste un gros chat room. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Puis, tu pouvais comme coder, comme il dit, genre, les c'est affaires. C'est le futur du passé de l'Internet. Tu marquais slash, genre, babouin. Slash slap, puis là, c'était slaps with a truth. Non, mais je veux dire, mettons, puis là, c'est ça. Oui, de base, et, dans ton script que, mettons, André a créé, tu marquais genre slash babouin, puis là, comme un babouin en ASCII qui apparaissait. Ouais. Ou bien, tu sais, mettons, un CTCP, des affaires à la main. Puis là, j'avais codé des fonctions de malade, puis... Ça sonne comme le futur. Non, mais c'était ça, c'était malade. Un cheap MySpace de monde qui découvre le hacking en même temps. C'était malade, parce que justement, hacking. Tu vois, regarde, écoute, c'est avec IRC qui est arrivé l'arrivée des script kiddies, des affaires à la main. Moi, j'utilisais dans le temps, puis c'était Aggressor. Hey, j'ai fait des attaques de smurfing, on parle en 98. Du smurfing, c'est que t'envoyais un ping à un IP, qui envoyait un ping à deux IP, à trois IP, puis qui revenait à un IP de ta destination. Fait que moi, mettons, là, dans le temps, là, tu sais, puis je chattais une fille, puis là, on jasait, puis là, mettons, elle disait, « Ah, j'étais en train de parler avec Jean-Martin. » Tabarnak, c'est qui, ça, Jean-Martin? « Ah, c'est tel Nick sur Undernet. Ah, ouais. » Parler à Jean-Martin, pognait son IP, ben mon tabarnak, je te smurf, tu déconnectes mon gars, puis moi je vais y parler à cette fille-là. Ouais, c'est le script avec click mute. Les nukes, slash nuke, les affaires de même, t'avais plein. Puis c'est là que j'ai découvert la scène un peu du scripting puis du hacking dans le temps. Puis c'était du hacking, mais c'est du glorified hacking. C'était des commandes de basic par entremise d'un client. Mais c'était un script qui lise, mais codé un peu à cette manière-là. Mais par contre, c'est que qu'est-ce qui était cool, c'est que la gang d'Infinité, on se tenait tout le temps à ronde ensemble. Puis là, c'est là que j'ai eu mes premiers parties, puis on se tenait à ronde, puis tout le kit. C'est là que, tu sais, quand tu disais rencontrer du monde, puis comme tu disais, Minuteur, tu sais, rencontrer du monde que tu t'associais avec eux autres, ben là, c'était le monde avec qui je chattais à semaine longue. C'est le monde avec qui j'utilisais des connexions dial-up que j'avais piquées par l'entremise d'IRC à quelqu'un d'autre, puis je me connectais, puis des choses comme ça. Puis on chattait ensemble, toute la gang. On faisait nos trucs, on faisait ci, on faisait ça. Puis c'était vraiment cool, tu sais. Puis c'est la première fois où j'ai eu ce symptôme-là. Ben, pas ce symptôme, mais le feeling de... Je fitais, là. Pas tout seul. Là, c'était la place, puis c'était cool. Puis tu sais, le monde, c'est con, on était à ronde, là, puis je vais avoir 16 ans, puis le monde m'appelait par mon nickname. J'avais mon handle qui se faisait crier. Puis... Chris, man, t'arrives chez vous après, pis là, t'as fucking hackers qui sortent et crash override pis t'inquiète. Questionne-moi. Pis c'était la hacking culture à 100 000 C'était quoi ton premier nick? Mon premier nick, c'était Decker 182. Pis tout le monde me disait que c'était pour Blink. Ouais, mais j'étais un Decker à cause de Shadowrun. Pis 182, c'était vraiment le monde, à cause de Blink. Pis I shit you not, c'était vraiment juste, j'ai pitonné trois chiffres pis c'est ça qui est sorti pis j'ai fait comme... Tabarnak. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, rencontrer du monde d'Internet, c'était comme rencontrer du monde dans une rue sur Craigslist. C'est à peu près ça. Ah, c'est vraiment, là, tu sais, tu pognes la liste de hookers sur Craigslist, puis tu dis, ben, elle a de l'air cute. Elle a de l'air moins pire que les autres. Mais, c'était bon, n'importe quoi. Mais quand je connais ça, tu sais, on est aujourd'hui ensemble les cinq grâce à Internet, OK? Ouais, clairement. C'est pas genre comme tu sais, t'as avec ma femme puis elle m'a voir du monde sur Twitter, tu sais, puis c'est pas comme une honte, comme qu'est-ce que tu fais là, t'as rendu sur Twitter? Non, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire, genre j'ai un voir du monde que j'ai rendu sur Twitter, puis genre le podcasting tout ça, mais il y a une époque que genre si j'avais dit ça, mettons à ma mère, elle m'a voir du monde que j'ai vu sur Internet. Fais attention. Non, mais vraiment t'as fait violer, numéro un. Deuxièmement, qu'elle me crise de loser, tu sais. Ben attends, la soirée pas finie encore. Ouais. Moi, le pire, c'est que ma mère me... Ma mère me sortait des commentaires comme ça dans le temps, puis je me souviens encore à un moment donné, c'est que là, j'étais rendu un peu plus vieux, j'avais 18 ans, puis c'est la première fois que là, j'avais eu une job. Puis j'avais ma gang d'internet puis ma gang de vraie vie dans le même party. Oh shit. Puis là j'étais nerveux, j'étais ça, comme asti, ils vont s'entendre toute la kit. Puis c'est là que ça a clashé un peu, mais justement, tu sais, le monde, la préconception, c'était comme, puis mes parents là, c'était comme, Chris, tu parles du monde sur internet, tu sais pas c'est qui eux autres, c'est peut-être un gars de 44 ans qui va te violer mais que t'arrives à Belœil. Puis en réalité, ils le savaient pas, mais Chris, on était une vingtaine, trentaine de kids à boire de la tornade en cachette à quelque part, à s'échanger des disquettes de connexion de dial-up. Avec un dire, gars de 40 ans dans le sous-sol. Ben, t'avais un gars qui était plus vieux, puis je me souviens, lui, il avait comme 19 ans. Mais tu sais, tout le monde, il est un peu plus jeune, puis le kid, puis le gars, il a 19, il est pas si pire que ça. Mais tu sais, moi, ça a été ce moment-là où j'étais geek, puis c'est mon moment nostalgique, où j'étais geek, pas geek jeu vidéo, pas geek comic, mais geek. Je codais du MIRC, puis c'était n'importe quoi. Puis si vous aviez codé du MIRC, je veux savoir c'était quoi votre script préféré. Honnêtement, vous êtes allé sur des XDCC, vous étiez sur Undernet. Si vous étiez wild un peu, on se tenait sur FNet, on allait sur FNet, puis on se pognait un peu. Je pense que les gens de MIRC se rencontrent souvent des moments de même comment plus petit que la communauté était. Ben, non, mais c'était big. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez que dans la communauté geek ou dans les jeux vidéo en général, dans le divertissement geekness, dans l'une pop culture, qui était mieux fait avant qu'aujourd'hui? Comme, mettons, moi, je trouve que dans le temps, le fait qu'un jeu soit tough pis qu'il me fasse chier, c'est correct. Pas aujourd'hui, qu'on dirait qu'un jeu vidéo qui te fait chier, tu peux plus faire ça, tu sais. Mais tu peux encore. C'est ça. Ouais, tu peux encore, mais le monde de Mercenary Kings, j'ai reçu des critiques. Il en vendra pas autant. Parce que dans le gameplay, tu peux pas aller en visée en diagonale, tu sais. Oh, c'est vrai, là, tu sais. Parce que il y a des gens qui sont choqués que le jeu est pas facile. Mais ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il est tough. Moi, je trouve que c'est une affaire que je trouvais ça nice de faire. Ouais. À ce moment, tu sais, genre, quand j'ai fini ma 34, là, je vais comme, si, j'ai, je suis rendu au bout, mais c'est un marathon. Mais tu vois, le monde dit, ah ben, ça, c'est plus dans la façon que le monde parle en anglais. Avant, en anglais, ils disaient comme, I've beaten the game. Oui. Ouais. À ce moment-là, I've completed the game. C'est tellement vrai, en fait. Ils disent plus, j'ai vaincu la patente. À ce moment-là, c'est, j'ai rempli les objectifs. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des 100%, puis c'est comme, bah, après deux jours même, tu sais, c'est comme... C'est avoir les 120 étoiles, là. C'est du drôle, l'affaire de Mario Bros, là. Mario 64, le monde de l'horloge, tout ça, c'est fucking du trouble, là, tu sais. Je pense que j'ai ma version de choses qui faisaient bien dans le temps, puis c'est quelque chose qui commence à me gosser de ces temps-ci. Je suis pas comme vous autres, vous êtes, on s'ensemble tout en âge, mais les samedis matins, ils faisaient mieux avant. Ouais. Je trouve que les samedis matins, oui. Man, c'est plus des les samedis matins du temps finissaient à 1h après la lutte du samedi de midi à 1, aussi connue Maple Leaf Wrestling. Je pense que pour des hommes de notre âge, si on parle de nostalgie, il faut qu'on parle un peu des samedis matins. Oh, oui. Je trouve que ça n'existe plus. Moi, je regarde Fox, un samedi matin, je vais pleurer. C'est plus pareil. Parce que t'as aucune raison de regarder Fox à ce moment-là. Tu comprends un peu ce que je veux dire, comme... Il est où ma run de cartoon? Pas que j'aime tous ces cartoons-là. Ce qui est mon preview le mercredi la à la fin du mois d'août de l'automne sur ABC le samedi matin. C'est ça, parce que, tu sais... Moi, j'ai des souvenirs très précis quand t'es plus jeune, tu peux te lever à n'importe quelle heure. Puis je me rappelle de me lever extrêmement tôt le samedi matin. Avant tout le monde. Avant tout le monde. Au Canada, Je me rappelle des fois que je me levais à 5h du matin puis qu'il y avait comme des vieux dessins animés des années 60. Tu voyais l'intro. Je les écoute, peu importe la qualité. Puis que dans le fond, les bons dessins animés étaient comme à 9h30, 10h. C'est là que t'avais Mario, le comic de Mario Bros 3 pis de Mario World, une couple d'années plus Transformers avec Edgar Froutier pis. Exactement, oui. Pis jouait le scientifique. Edgar Froutier était Optimus Prime pis Yves Corbeil était, Edgar était Megatron pis Optimus et Yves Corbeil. Holy shit, mais je me rappelle. Écoute le film, ta vie va être fucking red, man. Il y a un vieux monsieur qui est comme, on dirait, dans les vieux dessins animés Transformers, qui est dessiné exactement comme Mr. Burns dans Simpsons, pis c'est Edgar Froutier qui fait sa voix, pis qui fait sa voix Mr. Burns, comme avant le temps. Wow. Pis quand t'as regardé ça, t'es comme, oh mon dieu! Il était prêt tout ce temps-là pour être Mr. Burns. Il dit juste excellent. Mais toi, maintenant, Yannick, est-ce que tu trouves qu'il était mieux fait dans le temps, au niveau de la jeux vidéo, pop culture, cinéma, peu importe, qui était comme à l'époque mieux exécuté, là? Oui, pis là, c'est une affaire vraiment pépère, parce que... Non, mais non, mais c'est une discussion pépère. Une affaire pépère. On va le discuter sur le PC. Tout était plus sincère, parce qu'il essayait pas de lancer des franchises qui allaient durer vraiment longtemps. À l'époque, c'était... Il créait live. À l'époque, c'était... selon la connaissance des compagnies de jouets, c'est qu'une ligne de jouets avait maximum 3 ans sur la tablette. Fait qu'ils créaient des parents pour la lancer, puis ça continuait. Fait que, puis c'était tous des artistes, puis tous des auteurs qui écrivaient des backstories pour ces affaires-là, puis ça c'est pour les jouets. Comme E-Man. Ouais, E-Man, genre, le monstre, comme c'est genre, on fait des jouets, puis après on va faire un show pour vendre le jouet. Mais regardez, les G.I. Joe, comme on les connaît, c'était écrit par du monde de Marvel Comics, qui sont fait approcher, puis comme tu veux, il y a un dude qui s'appelle Larry Hama, qui a comme tout écrit la mythologie de G.I. Joe, tout ça, basé sur son passé à lui dans l'armée, puis d'un gars qui est d'origine japonaise, qui a grandi aux États-Unis, post-Vietnam, tu sais, il a tout mis ça dans le G.I. Joe, pis, tu sais, d'origine japonaise, pis il était comme, si tu vas avoir des jeux dans le mix, ça va être vraiment écœurant. Il a tout mis ça là-dedans. Pis c'est qu'il en a deux. Tout ça était riche, là, tu sais. Pis à cette heure, quand tu vois des affaires pour les jeunes, tu vois que c'est créé comme des franchises pour les faire écouter le prochain film, pour faire écouter le bébé, c'est... Ouais. Il plus finit une saison, tu sais qu'il va avoir un film pour finir cette saison-là. Ça, pour... Avant, il était tout comme, c'est peut-être un one-shot, fait qu'on met tout dedans, puis il parle de la suite. Même si la deuxième affaire est pas aussi bonne, la première affaire existe, mais est plus sincère, et comme plus riche, quelque part. Terminator, l'affaire qui, à l'époque. Moi, je vais dire pour pas dire les mêmes affaires, parce que je suis d'accord un peu avec tout ce que vous avez dit pareil, là, mais, Oui, c'est André qui est plus tard d'abord. André, ouais, il va, soit qu'il va juste approuver quelque chose ou puis fuck off, là, ou, mais, je vais y aller avec les comics. Dans le sens que dans le temps, ils se forçaient à créer quelque chose vraiment, à inventer un nouveau, à sortir de l'ordinaire, peut-être, ou quelque chose. Ils créaient des histoires. C'est pas pour rien que des Amazing Spider-Man sont rendus à numéro 700 quelque. Et puis tu sais, techniquement, ils prennent un nom méchant à chaque mois. Tu sais, ben dans le temps, c'était quasiment ça là, quand tu y penses. Puis en plus, il y avait, je me souviens, rien que des années 90, quand j'achetais mes comics, il y avait Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Spider-Man 2099. Il faut que t'en trouves en tabarouette des affaires pour faire pour tout remplir. Puis je trouve que dans le temps, c'était plus créatif, c'était free for all, c'était let's go. Tandis que t'apprends à saluer l'originalité. Ouais, mais le côté créatif rapide aussi ou quelque chose. Tandis qu'à Star, ben, il y a beaucoup de reboot. Puis aussi, on dirait qu'ils disent, OK, j'ai un contrat d'un an et demi, je n'ai pour au moins 15-20 échoues, une histoire dans ma tête que je vais étirer là-dessus, puis que il va tout le temps avoir un petit, pas un spoiler, mais un hype, là, quelque chose qui te garde pour le prochain, et ça finit tout le temps avec un cliffhanger à Star, pis il y a jamais un, je commence au début, je finis à la fin, Spider-Man, il a gagné, pis that's it. c'est ce que je saluais, moi. André, peut juste finir, Toi, en c'est quoi qui est mieux? Moi, je suis curieux de savoir, Eric, toi, c'est quoi ton moment de nostalgie? Qu'est-ce qui était meilleur avant? J'ai répondu dans tout déjà. Ouais, mais vas-y plus en profondeur. De mon affaire de nostalgie. Non, mais écoute, qu'est-ce qui... Là, on Parce a vu moi, un peu... Ben, mon moment de nostalgie, je sais pas. Moi, mon moment... Faut que je dise que ça a rapport un peu avec ce que Yannick parlait un peu de comment est-ce que tout était créé avec des jouets en premier, des choses comme ça. Mais je m'ennuie un peu de quand j'étais jeune, de voir des films comme... Des films d'action faits pour des adultes, mais que ensuite c'était fait pour les kids un peu... Je sais pas si vous comprenez. Mais on a toujours été pour les adultes, mais quand t'es jeune, il y a rien de plus attirant dans l'affaire qui est pas fait. Ben, je pense que t'es pas supposé de l'écouter, mais je parle genre le film de Rambo, qui a eu un cartoon, puis après des figurines Rambo, pour c'est enfants. C'est un exemple. De manière. Elle me tire aussi un cartoon. Une de mes mémoires nostalgiques, justement, c'était voir Robocop comme, j'étais pas supposé de le voir. Non, je suis d'accord. J'étais vraiment pas supposé de le voir. Non plus, mais je l'ai vu. On était d'accord que quand on a vu Robocop, on était juste pas supposé de voir. Il y a des choses que j'étais pas supposé de voir dans les... Moi, c'était Demolition Man. Demolition Man, j'étais un peu... La scène de la douche, là, j'avais comme 11 ans, j'étais au cinéma, j'étais comme... Mais tu vois, j'étais adolescent à ce temps-là. Moi, j'en avais 14, 15 ans. Tu parles Specialist. Ah oui, le Specialist, ouais, c'est ça. Okay, c'est mélange, ouais, non, pas Demolition Man, Specialist. Mais tout ça pour dire, les gens de films R, marketés aux kids. Ouais. Puis je sais pas, je pense qu'au Québec, c'est différent. Parce que il y a une loi qui empêche de faire c'est ça, il y a une loi de ça. Mais moi, j'ai été élevé vraiment comme à écouter de la télé américaine puis anglaise. Puis je disais, moi, les publicités de jouets, là... J'en voyais plein. Ball, là, moi, j'en ai vu plein en crisse, là. Mais j'étais Power Rangers, j'en revenais pas que ça existait. Ouais, mais c'est ça. C'est malade, c'est vrai. Hey, des publicités de kids qui jouent un jeu, là, comme je comprends, là, au Québec, on peut pas, en français, je pense qu'il peut pas. Je sais pas quoi, comment que la loi fonctionne. Je suis juste choqué que tu le mentionnes en ce moment, Eric. au Québec, on tolère pas ça, les gens qui parlent comme ça. Mais tu sais, j'étais, ça c'est quelque chose que j'étais aucunement au courant de quand j'ai découvert ça, puis j'étais vieux quand mais j'ai découvert t'es ça. Mais quand t'es jeune, c'est ça. Mais moi, j'étais élevé, comme je te dis, anglais, français, mais je veux dire, j'avais le choix de Passe-Partout puis Voltron, puis comme, tu sais, j'avais ces deux choix-là quand j'étais jeune. Une qui gagne, attends, qui c'est ça, comme je veux pas dire que Passe-Partout c'était pas le fun, j'ai bien aimé, j'ai allé à l'école, à la garderie. Dis-les. Mais à maison, Voltron, là, je veux dire, je suis même prêt à dire que Voltron, pour moi, c'était mieux que... Que Goldorak, désolé, je préférais... Pardon! Là, c'est des... Moi, j'étais avec Yannick, on va flipper à la table, on va régler ça, mais on va se taber à coups de bouteille pété. En regardant Voltron, là, je m'excuse, là, mais t'avais-tu une pub d'un jouet de Goldorak pendant les pauses? Non. J'espère! Il m'a brisé plus le cœur quand j'étais jeune. Faut bien rappeler au monde, c'est quoi des bonnes émissions? Non, mais le fait, à Star, tout ce qui existe a des jouets, hein. Ouais. Tout ce qui existe a des jouets, il va, regarde. Geek collectif, le jouet. Même là, un choix ABC va, a sûrement des jouets, puis le fait que, quand j'y repense qu'il n'y avait pas de jouets Goldorak quand j'étais jeune, c'est de la fucking folie. Il y avait des jouets. J'en avais, il était au Japon. Je sais, je les avais. J'avais quasiment le set complet, mais il me manquait le rouge, genre. Mais si ça serait pas de le fait que j'ai pas 300 pièces à dépenser, je l'aurais à chaque fois que je vais au Comic-Con, que ce soit à Ottawa ou à Montréal. Ça, c'est vrai. Il passe à côté, puis il s'en sent mal. Il le regarde pendant un Il le regarde. Si je l'ai vu, mais pourquoi que t'es 300 pièces? Le pire, c'est qu'il y a un moment où on voit Eric qui fixe Voltron, puis là, tout avec du monde qui sont pas habitués avec nous autres. Non, donne-y ces 10 minutes, là. Laisse-les regarder ça, puis il va être triste, puis après, il va être correct. C'est le monolithe qui le casse. C'est une thérapie, il regarde ça, puis il fait... Calice. Mais la première année à Ottawa, il a fallu qu'on leur place. Là. Je me souviens là, que c'était comme Rick. Mais André, c'est quoi toi l'affaire que tu trouves qu'à l'époque qui était mieux faite qu'aujourd'hui? Ben, tu sais, moi je pense que pour moi, ce qui est important, puis je me souviens de trucs comme j'ai joué à Earthworm Jim, un ver de terre dans un suit bio-nucléaire, toute la pièce. J'ai suivi le développement un peu, toute la pièce. Mais, outre ça, mais regarde, écoute, un ver de terre dans un suit spatial, j'ai joué à Clay Fighters. Oui! Où il y avait une météore qui animait des lapins Terminator en pâte à modeler. Je me souviens de voir, il y avait des photos de cheerleaders de Clay Fighters qui chantaient le thème de Clay Fighters Nintendo Power. Et ça, c'était très excitant à l'époque de voir des photos de dames de Nintendo Power. Que tu sais, Il y avait le bonhomme de neige chez Clay Fighters aussi. Il y avait le Rampage aussi. Mais tu sais, on s'entend c'est que. Fait, moi, ce que je reproche. Un peu, puis vous allez me trouver probablement super idéaliste, mais je vais conclure là-dessus, c'est que, comment je peux vous dire ça, c'est que on cherche trop à expliquer les choses de nos jours, puis quand j'étais plus jeune, j'avais une certaine chance en étant geek, où un ver de terre dans un saut spatial, c'était en masse. Je cherchais pas à savoir pourquoi, il était là. Puis je cherchais pas à savoir pourquoi il fallait envoyer la vache sur le tremplin. Je cherchais pas à savoir pourquoi il y avait des gens... Ça, c'est un Monty Python running gag. Oui, mais à cet âge-là... Comme si la vache-là revient, mais c'est là, correct. C'est fucking brilliant. Mais à la limite, c'est que... Mais même si c'est pas cette affaire-là, c'est pas grave. Non, mais je comprends, mais moi... Je trouve juste que, de nos jours, on restreint l'imaginaire un peu. Oui, je suis d'accord. On empêche les gens de juste... Tu sais, il y a une boîte, puis... Chris, check les cartoons quand j'étais jeune, OK? Il y a eu des Biker Mice from Mars. Oui, des motards à souris de Mars. Captain Bucky O'Hare. Oui, il y avait les Street Sharks. Il y avait un paquet d'affaires. Street Sharks? Street Sharks. Mais Chris, on cherchait pas à justifier les choses. Ouais, chaque genre, limite, là. Chaque genre, c'était. Tortue ninja. Non, mais c'est ça, mais c'était juste fun. Non, mais ce qui est merveilleux, pour moi, ce qui était avec Transformers puis avec G.I. Joe, deux produits Hasbro, c'est que, avec les tech specs pour le Transformers ou les file cards de G.I. Joe, c'est, ils donnaient des indices de, ce G.I. Joe-là a une personnalité à un tel, il te donnait des indices si tu voulais jouer ces personnages-là. T'sais, il disait comme, ce Transformer-là est colérique, puis il aime ça, il aime plus ça être en char, être en robot, tu sais. Il donnait des hints quand c'était temps de jouer les personnages. C'est ça. Puis, pas plus que ça. Mais tu sais, on n'a jamais eu à justifier des robots qui se transforment en char. Il aurait pu juste se transformer en vaisseau spatial, puis il aurait gagné. Il a perdu sur Terre. Mais c'est ça. Mais à la limite, c'était simple. Puis, il n'y avait pas personne qui dénigrait ça. C'est que maintenant, on a tendance à faire « Non, ça se peut pas, ça se peut pas. Prends pas les kids pour des cons. » Tabarnak, il y a 6 ans, il mange ses crottes de nez. C'est toi qui es en train de glorifier son intelligence puis tu le quittes. Puis ça crée une... Je peux pas partir dans cette direction-là, mais je m'excuse, mais c'est mon mot de la fin, mais on s'en calisse, j'en profite. Mais, c'est ton show, tu vois ce que tu veux. Ça fait une génération de, non, Jean-Christophe, tu sais pourquoi il ne faut pas péter une coche à l'épicerie parce que tu veux des jujubes ou des céréales. Tu t'expliques, tu rationalises l'irrationnel. L'enfant, là, c'est comme, t'as beau y expliquer, regarde, ok. Explique-y pourquoi, dans la récession économique, acheter des tricks, c'est beaucoup moins rentable comme investissement que racheter de la céréale populaire en... juste pour les enfants, ben c'est ça. Ben, tu sais, OK, ça, c'est une logique qu'on comprend. On a été élevé dedans, là. Mais, tu sais, on s'entend que, économiquement, c'est pas rentable d'acheter des tricks cette semaine, parce que c'est les Muslix qui sont en spécial. En tant qu'adulte, j'achète beaucoup de femmes pour les tricks. Ben, tu vois, en tant qu'adulte, tu peux faire le choix, mais en tant qu'enfant, je t'explique le... Non, mais... céréales, là, excuse-moi, je... Mais, en tant qu'enfant, je t'explique le... Je peux manger pareil, mais c'est pas des céréales. Non, mais c'est ça, mais voulant dire, c'est qu'on a tendance à trop expliquer aux enfants. Chris, t'as pas besoin de savoir le pedigree d'une céréale pis le kit. Fuck off! Gars, pourquoi qu'on n'achète pas des trucs cette semaine? Non. André, t'as pas besoin de savoir pourquoi ce gars-là, il s'appelle Shredder pis il tue du monde. Ça paraît que t'as pas d'enfant non plus parce que t'as beau dire non, il va dire non, mais pourquoi? Parce que... Pourquoi? C'est vrai que... C'est ça? Parce que... Ah, mais t'arrêtes d'y répondre, maman. Il continue. C'est correct. Mais il continuera. Donc, je comptais que tu vois ton jeu, tu mettais ta cassette dans ton jeu de Pazzy Power. Et si tu voulais l'histoire, si tu voulais la vraie explication, ben, tu laisses rouler la main. Les livres. Non, tu lisais le livret. Tu livrais l'instruction. C'est ça. Tu laissais ça rouler un petit peu. Oui. Mais à la limite, si on s'en crisse que le troisième level, c'est un gars qui était en skate, en rollerblades, pis il a dans ses mains une balle de golf. Ou encore mieux, la bébite de le premier boss dans les Mario 2, c'était un transsexuel. Ouais, ouais, Birdo, ouais. On le savait pas. C'est ça. Des œufs parce que... Non, mais tu sais. C'est lui qui crache des œufs, pis c'est pas grave, c'est juste la même. Pousse ça plus loin. Il y avait une raison, pis était troublante quand elle disait. Parce que j'osais là-dessus avec un de mes chums, là, pas longtemps, pis il dit, tu sais, ah, là, pis on, faut expliquer les choses aux gens, pis tu l'inquiètes. Ok, je dis, moi, premièrement, là, prends tous les jeux vidéo de l'existence, là, pis explique-moi une chose. Il dit, ouais, ok. Toi, tu veux expliquer les choses aux gens? Ok, ouais. Pourquoi le monstre de la fin, qui est le plus fort de toute la batch, t'envoie toutes ces méchants poches au début pour que toi, tu t'habitues pis tu gagnes l'expérience contre eux autres pour qu'ils soient capables de te crisser? Un vrai plan machiavélique, là, ce serait le boss de la fin au début premier tableau, t'es pas assez fort pour le battre, pis calisse une volée pis ça arrête là. Tu sais, c'est comme le jeu serait plate. Je peux faire ça green light sur Steam avec. Mais le jeu serait plate, sauf d'un autre côté, ça serait la chose logique des choses. Fait que si t'es pour rendre logique quelque chose d'illogique. Des voix cette idée dans les studios de Tribute Games, c'est j'aimerais l'idée est notre propriété en ce moment. Ah, ok, bon, ben c'est parfait, fait que je vous l'accorde. Mais voulant dire que préserver l'imaginaire, arrêtez d'expliquer les choses. C'est normal, la plasticine qui se bat. Super Mario 3 commence avec un théâtre qui ouvre, puis à finir un théâtre qui ferme, puis c'est tout. C'est n'importe quoi. Tout peut arriver au théâtre. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est pas grave que ça arrive ou pas, puis gna gna gna, tu sais. Ça se fait que c'était tout un rêve. Non, mais ça, c'est Mario 2 en passant. Non, mais je sais. Tout ce que je veux dire, c'est que Si, à un moment donné, quelqu'un qui arrive avec, tu sais, genre, fucking Smash TV, c'est des choses de même, là. J'ai carré. Non, mais, je comprends pas, je veux dire, tout, tout peut arriver, c'est pas grave, s'il y a pas d'explication. Ça, c'est le vrai Hunger Games, en passant. Moi, je tiens à dire quelque chose, c'est que, premièrement, Lion's Gate, embarqué sur une sens-là, c'est ça. Sont dans la rue, là. Moi, j'achète. Vous avez apporté le sujet. Nous n'avons malheureusement pas apporté la rigueur et la structure. Mais par contre, c'est toujours plaisant de jaser avec vous, les boys. C'est toujours plaisant de prendre une bière avec vous autres. C'est toujours plaisant aussi de reprendre un recul puis de retourner dans notre enfance puis se rappeler des anecdotes, des choses comme ça. On pourrait en parler pendant 4 heures de temps, mais malheureusement, il y aurait pas de téléchargement puis le monde nous demanderait de faire 8 épisodes pour un. Puis présentement, moi, j'ai eu du fun ben raide avec vous autres. Nous aussi. Ouais. Et je suis persuadé que nos auditeurs, je vais le couper au montage, run gag, auraient du fun à écouter 3 bières également. Et à vous envoyer des sujets. Donc, présentement, là, moi, je suis quelqu'un qui écoute le collectif. Je fais partie des 5 puceaux qui écoutent le collectif. Ça fait deux ans, ils sont cinq. Au début, ils étaient 10, puis là, maintenant, il y en a comme 5. Il y en a qui... Ben, c'est ça, il y en a qui ont eu une job, là, permanent. Oui, non, ils ont leur propre podcast. C'est ça. Il y en a plein qui ont leur propre podcast. Ça fait. C'est triste, mais vrai, probablement. Donc, moi, je vais écouter 3 bières aujourd'hui. Je fais comment? Je vais où? Je me rends sur 3bières.com où ce que tu peux downloader tout puis l'écouter live. Sinon, tu nous trouves sur Arzado Web pour nous écouter. Ou sinon, tu vas juste t'abonner sur iTunes ou si tu vas sur notre site pour trouver le... Wow! 3bières. En fait, plus que 3 bières. D'ailleurs, il y aura photo du setup parce que notre page Facebook est la vôtre aussi. Merci. Il y a consommation d'alcool aujourd'hui. Voilà. C'est pas dur, là. Vous êtes sur Internet en 2014. Eh oui, Google. Quelqu'un qui a accepté ma IPA à la fin, là. Pas besoin d'un script IRC. C'est plus fort qu'elle reste. Rien qui m'a typé vers la soulagerie, là. Donc, merci d'avoir été avec nous, les boys. Honnêtement, épisode 47, ça me fait peur un peu. On approche du 50e. On s'est pas tué encore, high five. On s'est pas tué encore, les boys. High five. High five avec 3 bières aussi. All right. Bye. Donc, épisode 47, mon nom est André Paquette, vous pouvez me suivre sur Facebook au facebook.com/André Paquette. Je cherche dans le search, Steve. Google, Bing that shit. C'est tellement simple maintenant. Bing it! Non, mais Bing it, ça n'a pas de sens. @OzumakiQC sur plus d'identité. Twitter, Instagram, si tu vois des photos de mes pop que je m'ajette puis je mets sur mon bureau en side avec un filtre cool pour avoir l'air super hipster parce que mon bureau c'est cool, une pop. Hashtag no filter, je le mets juste quand je me sers de mon appareil. Eric, les gens qui veulent jouer avec toi? Ben moi c'est Montréalien un peu partout puis c'est ainsi, c'est beaucoup de Diablo 3 sur Xbox One, je trippe ma raide. Puis dans Hearthstone, ben je m'en vais vers niveau 10, fait que si tu penses que ton deck est bon, ben mon paladin va te courir à voler. Puis juste un petit heads up. Je voulais dire, comme nous autres, ça fait 2 ans qu'on fait le podcast, puis qu'aujourd'hui, on s'est pas tué. Mais dans la scène de podcast québécois, j'ai toujours apprécié que les premiers qu'on a vraiment rencontrés, c'était ces deux-là. Puis j'ai vraiment apprécié ça, puis je trouve ça cool qu'on fait un podcast ensemble. Puis j'adore la scène de podcast québécoise. Il y a tellement de diversité. C'est hallucinant. J'étais sur l'autre frontal cette semaine là, avec Dominique Garand, qui est, by the way, un docteur quand même assez cool, mais aussi un geek énormément caché. Il est plus cool que le docteur Mario, là, parce que Ouais, c'est ça. Certes. Il est vraiment cool, mais c'est ça, juste pour dire ça. Je suis bien content qu'on ait dit, puis je trouve ça hot, puis Hearthstone, mon panel, tu vas avoir des... C'est vraiment sérieux. Pierre-Luc! Oui, comme ça, Pierre-Luc sur Twitter. Je gère aussi le compte Twitter de Trombière. Et j'écris aussi sur notre blog de yulorama.com. C'est ça, un nouveau projet, ça, dans le fond. Avec ma femme, on parle de Montréal, Yulorama. On parle de... Peu importe ce qui se passe dans notre vie, en Montréal, nous, on en parle. Vous êtes pas juste à Dorval, là? On est à gauche, j'écris bientôt un article, parce que j'ai passé, j'ai le temps point pendant comme 9 mois, dans l'Est, la ville. Dans l'Est. Puis j'ai comme bientôt un top 5 de comme, c'est pas si pire être dans l'Est. Mais genre, c'est 5 choses qui font que... Ignore l'huile. Non, mais 5 choses que dans l'Est, comme quand même nice d'habiter là, tu sais. Cool. Puis genre, j'ai eu tout avec 5 life hacks de la STM aussi. Oh! des life hacks SM, ouais, blop, blop, blop, je claque pas des doigts, par exemple. Qui montre la valeur dans Hashtag, pour moi, je l'apprécie, Pierre, parce que. Il y a promenade, Ontario, ça, c'est fucking solide, là. Les promenades, puis aussi, si tu veux un pro tip, là, sont en train de refaire toutes les pistes de train. Ouais. Il y a une prise de train principale qui font en promenade, qui va même maintenant passer le marché Maisonneuve, puis qui monte quasiment vers Ville. Les gars, je vous demanderais d'arrêter de vous astiquer publiquement, s'il vous plaît. Donc, Milton. Moi, c'est pas mal tout Milter 187 dans les... Pour les gunshots. ...consoles, puis pas mal toutes les comptes, je te dirais, à part Twitter, qui est Zombie Milter. Puis c'est ça, je suis partout. Google mon nom, Google Image, plein de photos de moi. André, ça sort-tu ce vendredi ou celui qui vient après? Écoute, en fait, nous, d'habitude, lundi. C'est les lundis, oui, lundi. Donc ça va être ce lundi que l'épisode va être disponible. Donc lundi, le 25! Lundi, hey, le 25! Quelle belle date. Yannick! Oui, vous pouvez sur @YannickBelzile sur Twitter et ainsi que sur Instagram où je poste des dessins du sketching que je fais. J'aime ça, moi, ils sont cool, les sketchs, honnêtement. Ben, merci beaucoup. Fait que je fais ça, puis bientôt, il va y avoir plus abouti, plus fini. Et sinon, vous pouvez aussi suivre @TributeGames, qui est la notre studio et je rentre le grand Twitter et puis on travaille sur des jeux et d'autres jeux qui vont sortir bientôt. Alors vous pouvez voir des behind the scenes et du stock de concept art qui est le fun. C'est là qu'on va voir le focus de tout le monde, mais je propose qu'on fasse un slow clap suivi d'un golf clap pour suivi d'un full clap pour Tribute Games. Merci. Yes sir! On se revoit dans 2 semaines. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao.